Alors, pour cette première émission de 2022, on va parler... Et la seule. De... Et alors... Et la seule, j'espère pas quand même. Ce non, serait triste. On vous avoue qu'on a peut-être prévu de faire la deuxième partie de Persona 5. En fin d'année pour Noël. Peut-être monter un tout petit peu. Ok, hop, voilà, incroyable. Voilà. Du coup, pour cette première émission de 2022, et on espère pas la seule, on va parler de simplement, on va faire un petit récap de nos jeux faits en 2022 comme absolument tout le monde, mais avec un peu de retard du coup. Et en plus, ça fait un. De 2023, retour. Oui. Pour le retour, c'est pas mal parce que notre première émission, elle était sur nos jeux faits en 2020. 2020. 20, ouais, c'est ça. Donc. Non, voilà. on n'a pas fait la première émission en 2019, en 2020, et justement, on l'a, non. Non. On l'a faite en 2021 et c'était nos jeux de 2020, mon dieu. Oui. Oh, on est vraiment très fort. Oh, ça date. Ouais, c'est... J'étais encore jeune et fougueux à cette époque. On était jeune et innocent, on ne disait rien à nos parents. J'ai pas la ref. Oh, la ref, elle est catastrophique. Alors, rappelez-vous quand même qu'on découvrait tous... Ah, c'était pas 2000 contre 90 si, ah, si, yes, si. Let's go. Si. Bon, bah écoutez, je pense. Bah oui, qui est-ce qui veut commencer d'entre vous trois? Pas moi, parce que je suis évidemment une flemmarde. Ah bah mince, j'allais dire à vous l'honneur pour Nier Automata. Je vais commencer du coup par Nier Automata. Okay, bah, alors moi je parlerai pas de tous les jeux que j'ai fait cette année, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 37 pour être précis. Je parlerai pas d'Higurashi non plus, parce que bon, il y a pas grand chose à dire de plus sur le jeu, si ce n'est que c'est un excellent visual novel, et jouez-y. Et puis il y a d'autres jeux que j'évoquerai forcément dans d'autres domaines. Donc je vais parler de Nier Automata, un jeu sur lequel je me suis pas étendu, qui était considéré par beaucoup comme un classique du jeu vidéo depuis quelques années. Depuis 2017, on m'en parle en me disant que c'est l'un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années. Il est sorti sur Switch, ce que je ne pensais plus réalisable, ce qui finalement s'est produit. Et pour être honnête, je vais commencer par là, la conversion Switch est d'excellente facture. Vraiment. Contrairement à la version PC qui a été un... Ah, la vidéo qui est en train de crever, mais tout va bien. Il y a même certains points qui ont été un petit peu améliorés par rapport à la version de base sur la PS4. Mais grosso modo, on se retrouve avec quand même le même jeu et il fonctionne très très bien ce jeu. Donc si Nier Automata peut tourner sur Switch, contrairement à ce que certains disaient, j'en doutais pas spécialement une seconde, pour être honnête. Et donc Nier Automata, qu'est-ce que je peux dire sans trop spoiler le jeu, parce que c'est un jeu effectivement qu'il faut pas trop spoiler. Moi je ne l'ai pas fait. Et le véritable vocal à ne pas l'avoir fait. Le véritable souci de ce jeu, c'est que c'est super dur d'en parler sans vraiment évoquer la substance même du jeu, parce que c'est un jeu. En fait, le jeu devient intéressant. Non, t'inquiète pas, Adrien, t'inquiète. Mais là où le jeu devient vraiment intéressant, en fait, c'est le jeu, c'est là où ça commence vraiment à rentrer dans le dur et à spoiler. C'est ça. Donc c'est très difficile de vous parler du jeu sans justement évoquer les spoils. Je dirais juste que le jeu était très intéressant à faire, premier point. Qu'il a un propos assez intéressant pour un jeu du type, et qui arrive à plutôt bien le distiller au fur et à mesure de son aventure. Après, il a quand même quelques défauts. Je dirais que les combats sont pas toujours spécialement très intéressants, pour être honnête. J'ai trouvé le jeu... un petit peu quand même des fois. C'est un peu moins intéressant première que du Bayonetta. Première et deuxième partie du jeu, ça rame un peu quand même au niveau du contenu. Tu critiquais des phases de hacking aussi, non? Ah, les phases de hacking étaient vraiment pourries, mais je pense que c'est moi, je les aime bien, mais... C'est plus dû au niveau du joueur qu'au niveau du jeu. Mais c'est vrai qu'il y a certaines phases de hacking qui étaient vraiment, vraiment horribles, et je pense que c'est pour ça que lorsque tu... Alors je sais pas si ça se passe comme ça dans le mode difficile, moi j'ai fait le jeu en mode normal, que t'es d'ailleurs... un peu dur. Totalement... Non, moi j'ai pas trouvé, tu vois. Il y a eu quelques passages pas évidents, mais je m'en suis plutôt bien tiré. Je pense que les phases de hacking n'ont pas été rendues nécessaires, lorsque tu meurs, tu reprends à la phase de hacking. À la phase de hacking que tu es en train de faire. Parce que, à mon avis, ils se sont rendus compte que si les phases avaient été beaucoup trop punitives, les joueurs auraient vraiment, vraiment, vraiment gueulé. Donc, ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué. Mm. Donc, du coup, c'est ça qui me fait dire que les phases de hacking n'ont pas forcément été si bien pensées que ça. J'ai dans l'exemple des jeux qui faisaient des phases de hacking beaucoup mieux. Je pense à Slide 2 notamment, mais bon, après c'est on va dire un autre style de jeu. Watch Dogs 2 apparemment aussi a des très bons. Watch Dogs 2, je n'y ai pas joué, peut-être effectivement. Moi non plus, mais c'est ce qui revient souvent quand les Après c'est un peu le but du jeu Watch Dogs, donc s'il avait des mauvaises phases de hacking, ce serait un peu triste. Après au niveau du scénario, le scénario est vraiment très cool, il y a vraiment des trucs très très très cool. La fin, JJ, toi tu sauras, je trouve que c'est vraiment une fin fantastique. C'est une fin formidable. Ouais, vraiment très très très bien pensé. Et je me la suis fait spoiler comme un gros naze. Aïe. Pour la simple et bonne raison que je me suis dit, j'arrive pas en fait à cette fin, tu vois. Je me suis dit, je vais pas finir le jeu. Je vais aller voir une vidéo review pour voir un petit peu si mes différents avis convergeaient ou pas avec certaines autres personnes qui avaient fait le jeu. Et c'est là que j'ai découvert en fait la vraie fin et j'ai fait. Ah punaise. Et je suis un peu déçu de m'être fait spoiler cette fin par l'intermédiaire d'une vidéo quoi. Parce que je pense que si je l'avais découvert moi-même, ça aurait eu une autre teneur. Mais comme j'avais énormément galéré sur certains passages du jeu, j'ai fait je vais rage quitte la fin, tant pis. Je finirai pas le jeu et finalement si je l'ai fini. Et puis bah après il y a la fin, puis il y a l'après-fin, toi-même tu sais. Oui. la double fin. Okay. Donc voilà, il y a des trucs vraiment cool. Musicalement, c'est un jeu qui est incroyable. Vraiment. Bah musique de Nier Automata. Je sais plus qui a fait la bande son, mais oh là, elles sont extraordinaires. Mais voilà. Et l'animé le rend très très bien. Ah bah tant mieux si l'animé le rend très très bien, parce que les musiques sont vraiment un bonheur à écouter. Et pour ce qui est du fait de savoir si c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, je dirais que j'y joue trop tardivement en fait. Je pense que si j'y avais joué en 2017, c'est peut-être un jeu que j'aurais adoré, vraiment. Mais malheureusement, je le découvre en 2022 en sachant des choses déjà sur le jeu. Je connaissais quelques petits trucs. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Il y a un truc, et je remercie Square Enix France de Twitter de me l'avoir spoilé, que je me suis spoilé à cause d'eux. Voilà, c'est. Mais sinon, Nier Automata, très bon jeu. Après, je peux comprendre, je sais que Miko, par exemple, n'avait pas aimé. Et c'est vrai que dans la première partie et dans la seconde partie, le jeu vraiment rame un peu au niveau du contenu, parce que tu enchaînes un peu les quêtes un peu annexes, tu enchaînes un peu le fait d'aller d'un point A à un point B. C'est un peu des espèces de quêtes FedEx en fait. Et les combats peuvent vraiment, vraiment, vraiment traîner en longueur. Par contre, mais il y en a certains qui sont épiques. Hein. Vraiment, il y en a. Oui. Des niveau épicness, Nier Automata, il se positionne quand même très, très bien. Quoi, hein. Mais ça, c'est vrai que les Japonais ont ce côté de savoir mettre en scène les combats. Mm-mm. Ce que je trouve, on perd de plus en plus dans les jeux occidentaux, c'est pour ça que je m'en désintéresse un petit peu, c'est que il y a ce besoin en fait un peu en Occident de mettre une cinématique pour rendre le truc épique, tandis que même sans parler de Persona, si tu prends d'autres JRPG, c'est vrai que t'as ce côté où même par le gameplay, le combat est vraiment prenant quoi, et t'as pas besoin d'avoir une cinématique pour l'appuyer quoi. Typiquement, il y a. J'ai un jeu en plus dont je vais pouvoir parler, ça va être incroyable. Je vais pouvoir parler un petit peu d'FF14. Je vais pouvoir faire un peu la propagande que tout le monde fait parce que je suis tombé dedans. FF14 a des combats vraiment, vraiment très, très, très, très beaux et très, très cool. Alors, même si on parle d'un MMO, donc il y a forcément des gimmicks de MMO dans les combats. Donc, si tu joues pas une classe qui est très mobile, évidemment t'as une tourelle, donc le combat est un peu moins stylé qu'un combat de Nier Automata comme on peut le voir à l'écran. Rien que la musique appuie énormément et on a des trucs très très propres et tout. Moi je me souviens d'un combat dans Nier Automata, c'est pas très loin de la zone portuaire. Ce combat il est incroyable hein, vraiment ça enchaîne de tous les côtés, c'est du vrai bullet hell C'est, d'ailleurs, si vous aimez pas les boulettes, elle, va falloir un petit peu vous accrocher parce qu'au début, vous allez, je pense, pas mal morfler. Hein, vous allez en chier, hein, clairement. Et après, ça va, le jeu, il est quand même assez permissif. Ah oui, puis je m'étais construit un build de zinzin parce qu'il y a un truc que les gens connaissent sans doute, c'est le système de puces, tu vois. Mm. Et moi, j'avais fait un build en disant que lorsque je suis un ennemi, je récupérais 20% de ma vie. Donc, du coup, j'étais... C'est aussi pour ça que j'ai trouvé le jeu un peu simple entre guillemets, c'est parce que j'avais vraiment construit un build qui était délirant niveau. Mais t'as vraiment moyen d'avoir des builds de zinzin et c'est pas un des reproches que je ferais à Automata parce que le build faut quand même le réfléchir et le penser et faire un peu de strat. Mais après tu peux équiper des puces un peu en mode random et globalement tu peux passer les combats à peu près alors pas facilement non plus, faut pas déconner, mais voilà quoi, en y mettant un peu du sien ça passe. Mais je pense qu'Automata quand même, dernier point, c'est un jeu que tu apprécies, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait malheureusement, en vraiment faisant toutes les quêtes, en farfouillant partout. Ouais, de ouf. Et je pense que je suis aussi je suis pas aussi dithyrambique sur le jeu que beaucoup, parce que justement je suis passé à côté de ça, ce qui est une erreur de ma part, parce que je pensais pas que les quêtes annexes, mais il y a vraiment des perles au niveau des quêtes annexes. Il y a des quêtes qui donnent énormément de lore et c'est un peu triste d'ailleurs qu'il y ait un élément du lore qui soit introduit assez tôt dans une quête annexe mais très tard dans le jeu. Parce que du coup en fait si tu suis le déroulement classique du jeu, que tu ne fais pas cette quête parce que c'est une quête secondaire et qui en plus est un peu planquée, en fait tu vas peut-être moins avoir ce côté, ce wow effect que moi j'ai eu parce que j'ai fait la quête. Tu parles de la quête des fleurs ou pas? Non, je parle pas de la quête des fleurs, je parle d'une autre quête, la quête avec un assassin. J'en dirai pas beaucoup plus, mais voilà. Je vais pas m'en souvenir de celle-là, okay. Mais non, vraiment Nier Automata, faites-le. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire sur le jeu si ce n'est découvrez-le par vous-même. Je crois qu'il est encore sur le Game Pass, mais si jamais ne le faites pas sur le Game Pass, parce que c'est vraiment un jeu qui est très long. Je pense qu'il y en a certains qui pourraient vraiment tomber dedans. Il est pas si long que ça, Nier Automata. Non, mais en vrai, ça dépend si tu fais les quêtes annexes ou pas, je pense. Voilà, le truc, c'est si tu fais les quêtes annexes, il devient assez long. Moi, j'ai mis 26 heures, je crois, sans faire les quêtes annexes, ou quasiment aucune quête annexe. Bah moi, j'ai mis 40 heures, voilà. Donc voilà. Ouais, il est plus sur le Game Pass parce qu'il était vraiment resté pas longtemps sur le Game Pass. Il est resté, je crois, un mois, et beaucoup de gens ont trouvé que c'était très très court. Notamment Flèche qui a dû l'acheter du coup parce qu'il avait pas fini son let's play. Voilà. Nous dit j'ai jamais essayé de Nier, mais je pense que c'est un jeu que je ferai quand je me serais intéressé au genre. Alors je sais pas s'il voulait dire au lore ou alors si j'ai mal compris sa phrase, à la série. Je sais pas en fait si la série reprend le scénar du jeu ou si c'est une extension. Alors justement non, l'anime au genre de jeu, okay. L'anime, faut savoir, déjà, Nier Automata est un jeu tellement bien écrit que tous les dialogues de l'anime sont à la virgule près les dialogues du jeu. Et quand je vous dis à la virgule près, là, c'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire que j'ai vu le premier épisode avec ma copine qui est aussi une grande fan du jeu. On s'amusait à redoubler par-dessus l'anime avec les dialogues parce qu'on les connaissait par cœur. Insane. Donc voilà. Et malheureusement, l'anime n'est pas excellent, n'est même pas très bien. Il n'est pas mauvais, loin de là, il est juste un peu décevant. C'est-à-dire que, il y a une scène qui est extrêmement clean. La scène que vous avez pu voir, je vais vous la montrer sur le live. Voilà, cette scène où Toubi fonce dans l'immeuble et rentre dedans, juste que je la retrouve, c'est un peu chiant, mais voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Vous reprenez cette scène, vous enlevez le modèle 3D de Toubi, vous mettez une Toubi en 2D et c'est la même scène. Ça, c'est un des gros défauts de l'animé, c'est-à-dire qu'en fait, il reprend... Alors, soit elles ont été refaites, et dans ce cas-là, c'est vraiment incroyable, parce que les plans sont à la... J'ai pas envie de dire à la frame près, mais presque. Soit c'est juste les plans de caméra en 3D ont été repris du jeu, ils ont viré le modèle de 2B et ils ont redessiné et réanimé 2B en 2D et les personnages dessus. Je pense qu'ils ont peut-être fait de la rotoscopie en fait. Et c'est un peu décevant. Parce que typiquement, il y a l'une des scènes... Voilà, du coup c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt... alors moi je l'ai trouvé dans les scènes post-génériques. C'est un animé qui possède des scènes post-génériques et en fait, Nier Automata où on tient pas mal de fins et notamment beaucoup de fins bullshit. Oui. Et en fait, la fin, c'est un espèce de spectacle de marionnettes avec 2B et Nines qui est l'un des autres personnages qui interagissent entre eux et qui reproduisent ces fins. Ah, oui, alors d'accord. Ça dure 15-20 secondes grand maximum, c'est une scène post-générique hein, donc voilà, c'est très drôle pour le coup, vraiment c'est vraiment rigolo et c'est plutôt clean, mais ouais l'anime est un peu décevant. Alors apparemment ça va ça, le premier épisode reprend énormément du jeu et la suite va peut-être s'en détacher, j'espère, mais ouais c'est un peu dommage que ça soit autant du reprise de scène en fait. C'est un peu ce que pointait en fait toute la série Crost de Karim Debbache, hein. C'est qu'on n'écrit pas un jeu vidéo comme on écrit une série ou un film. Donc clairement, c'est vrai que déjà le concept de multiples fins, que bon moi j'ai pas joué au jeu mais c'est ce qu'on m'a dit qui était quand même au cœur du jeu, c'est vrai que c'est compliqué dans une narration qui est classique de série, d'animé, etc., de faire un truc à plusieurs fins. D'ailleurs, c'est expliqué, c'est un carton au tout début de l'animé qui dit « Nier Automata est un jeu à plusieurs fins et l'animé va essayer de faire... » En gros, l'animé fait un mélange de toutes les fins en une seule série. Donc j'ai peur de la suite, en fait. Parce que c'est, ça me paraît très compliqué, en fait. Parce que après ça dépend ce qu'ils disent comme fin, tu vois. On aime ses refs, mm-hmm. Et moi j'ai envie de te dire, pour avoir joué au jeu et pour avoir eu aussi des fins un peu gaguesques, comment ça marche quoi. Moi non plus, et c'est un peu ce qui me fait peur. Après, honnêtement, je pense que ça va être un animé. Ça va pas être une exception, ça va pas être une excellence, mais ça va pas être non plus mauvais. Je pense que vous matez l'épisode 1, c'est une réflexion que je me faisais avec ma copine, c'est j'ai maté l'épisode 1, là j'ai pas envie de voir la suite, j'ai envie de jouer au jeu. Donc ouais, je pense que c'est plus un gros trailer pour le jeu avec énormément de budget que juste une œuvre à part entière. Ça le problème, c'est que et c'est un peu le souci que je reprocherais aux séries Persona et aux séries et globalement aux séries inspirées de JRPG, c'est que généralement les JRPG sont tellement bien écrits et sont tellement écrits de façon un peu quasiment cinématographique qu'en fait tu te dis juste bah oui mais en fait c'est le jeu sans le gameplay quoi, c'est donc ouais. T'es un peu triste et je trouve que du coup ça participe moins, tu vois, c'est typiquement je sais que j'ai vu des extraits des films Persona 3 et sans spoiler la fin de Persona 3, c'est vrai que bah on perd l'épicness parce que le boss de fin de Persona 3, il est extrêmement dur. Et du coup, j'ai un pote qui l'a vu, qui m'a dit que c'était un peu décevant. Bah c'est ça en fait, parce que t'as pas le côté, parce que tout le message autour de la fin de Persona 3, c'est tu fais quelque chose qui est pas possible, tu peux pas réussir. Du coup, quand tu réussis, t'as vraiment le sentiment d'accomplissement parce que t'en as vraiment chié. Tandis que dans un animé, tu sais que les héros probablement vont gagner et t'as pas ce côté où limite le jeu. Je pense pas que ça soit fait exprès, mais limite t'as ce côté où tu te dis, finalement, si j'abandonne, c'est canon aussi, parce que finalement ils pouvaient pas réussir, tu vois. Mm-hmm. Tandis que dans un animé, ils peuvent pas abandonner, tu vois. Mm. Donc là, on perd ce côté-là, quoi. C'est là où est le génie d'Arkane. Hein. Oui. C'est là où Arkane vraiment est une série. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Moi, je suis en train de la mater. Lesgord est en train d'exploser devant son écran, je pense. Et si vous l'avez pas vu, on vous invite à aller la voir. Ah, mais vraiment, allez la voir, c'est excellent. Tiens, typiquement, là, on arrive à une scène. Là, sur le stream, on arrive à une scène qui, pour le coup, je trouve, est assez mal rendue dans l'animé. Surtout qu'en plus, la CGI est pas folle. Il y a même pas besoin d'avoir joué à LoL. C'est un peu mieux, mais voilà. C'est même pas, il y a pas besoin d'avoir joué à LoL. C'est que si t'as joué à LoL, j'en ai parlé à Noé. C'est mieux. Tu es en désavantage par rapport à ceux qui n'ont jamais joué à LoL. Oui, parce que tu dois connaître déjà les intrigues. C'est ça. Alors que, alors que la personne qui découvre vraiment League of Legends par arcane ne connaît pas les persos en fait. Donc du coup, elle s'attache un peu à tous et à tout. C'est ça. Uriel, pour te faire un, pour te décrire un petit peu ça mieux. C'est moi du coup je connais rien à LoL vraiment genre voilà je connais Jinx et c'est tout à peu près et du coup quand j'ai découvert la série bah je suis qu'à l'épisode 2 mais je trouve que vraiment la série elle te happe déjà c'est magnifique et c'est ensuite, l'une des plus belles séries en termes d'animation que j'ai vu bah pour vous dire c'est une pote qui bosse dans qui veut bosser dans l'animation qui m'a montré la série en mode regarde c'est incroyable genre ce qu'ils ont fait et tout c'est genre vraiment ça fait cohabiter la 2D et la 3D de façon genre jamais vue avant et tout et vraiment je trouve que t'as pas vraiment de problème à te dire ah mince là il y a une qui est un peu frustrant tu sais le truc de merde là il y a une référence que j'ai pas eu c'est dommage tu vois que t'as beaucoup dans les trucs adaptés de jeux vidéo de trucs comme ça où t'es en mode bah genre je connais pas du coup je suis un peu en mode ah merde j'ai raté la référence là c'est dommage tu vois. Tandis que dans Arcane, j'ai pas ce sentiment là, tu vois. J'ai vraiment le sentiment que la série le fait très très bien et que t'as vraiment l'impression de te dire oui, bah j'ai pas l'impression que ça soit adapté d'autre chose, j'ai juste l'impression que c'est une bonne série d'animation. Non, Arcane, vraiment très très bonne série. Mais je pense qu'on peut passer à un autre jeu, parce que moi j'ai terminé sur Nier Automata. Moi j'ai juste tout petit truc à rajouter sur Nier Automata. Là où l'anime est pas très bon, il y a un manga qui est sorti il y a pas longtemps en France. Qui est encore en cours de parution, qui s'appelle... alors le premier tome s'appelle Nier Automata Opération Pearl Harbor. Alors je sais que ça fait peur dit comme ça. C'est alors j'ai pas trop lu, j'ai lu que les premières pages pour voir si ça avait l'air correct, ça a l'air cool. Apparemment il est un peu mieux placé dans la timeline. Et il est, pour le coup, c'est beau, c'est apparemment c'est vachement bien et scénaristiquement c'est plutôt cool. Et il n'y a pas besoin d'avoir trop joué au jeu, il me semble, pour pouvoir le lire. Par contre, ça spoil 2-3 éléments, donc faut avoir joué un peu au jeu quand même. Mais pour le coup, ça c'est une bonne, même si c'est pas vraiment une adaptation, c'est un ajout en plus au lore qui est intéressant. Voilà. Que pas, il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour regarder la série, à part avoir les refs aux musiques et connaître certains persos, c'est tout. C'est cool les séries adaptées de jeux qui respectent aussi bien ceux qui connaissent que ceux qui ne connaissent pas du tout. Je suis absolument d'accord avec toi. Et je trouve que il y a d'autres séries qui devraient s'en inspirer. Et j'espère que le film Mario lui va le faire. Ouais. Bah moi, c'est justement ma crainte avec le film Mario, tu vois, c'est que j'ai trop l'impression que c'est fanservice à je, tout je va. On d'accord. essaye de caler un maximum de trucs venant du jeu. Et bah le problème en fait c'est que bah c'est normalement une série ou un film ça doit être une bonne série un film sans que t'aies les références tu vois c'est, ouais. C'est si jamais c'était Seb Dugrenier je crois qui disait ça dans une de ses critiques de Star Wars 9 du coup je crois c'est que si jamais t'arrives au cinéma et qu'on est obligé de te donner un fascicule en te disant que t'es obligé d'avoir lu ça joué à ça faire ça etc ce qui est un peu en train de devenir le MCU. Bah forcément, si t'as pas les refs, tu vas juste passer à un truc en mode ah bah merde, je vois qu'on fait des clins d'œil, mais je comprends pas ce qu'il y a derrière le clin d'œil. Tu vois. Ah, c'est un peu, ouais, coup, c'est un con. Peu le problème. Et c'est un truc que je trouve les films Sonic arrivaient bien à faire parce que les clins d'œil restaient toujours. Ah j'ai pas vu le 2 encore. Des petits clins d'œil, bah il y en a beaucoup dans le 2 justement. C'est des petits clins d'œil en mode t'es en mode ah ouais là ils ont fait là j'ai la ref tu vois c'est le même avec Captain America I got that reference mais si tu les as pas, tu vas pas rater des points d'intrigue. Et j'ai un peu le problème que dans le film Mario, j'ai l'impression que si t'as pas joué au jeu, tu vas peut-être rater des points d'intrigue. On verra quand le jeu sortira. Mais ouais. On parle beaucoup de cinématographie pour cette émission sur le jeu vidéo. C'est le jeu vidéo. Écoutez, on fera une émission sur les adaptations le un jour. Cinéma, Peut-être, on refera Crost en 1h30. Exactement. On invitera Gilles Stella, Karim Debbache à venir. Bah du coup, moi je vous propose de parler un peu plus d'un jeu qui moi m'a laissé pantois après ce défilement de bons jeux du coup. Je vais parler de Pokémon Uranium. Je sais pas si tu veux mettre un long play du coup de. Bah justement, j'étais en train d'en chercher un. Je sais pas si ça existe. C'est parti, la partie Pokémon du coup. Ouais, alors, Pokémon Uranium. Alors, incroyable, ça existe. Introduction. Alors, déjà, on va mettre le disclaimer pour éviter que les gens me tombent dessus. C'est que le jeu, du coup, c'est un jeu de fan. C'est un fan game. Évidemment, c'est un taf monstrueux. Que ça soit du point de vue des gens qui font le pixel art, des gens qui ont créé les Pokémon, qui ont créé les designs, même sûrement ceux qui ont écrit tous les dialogues, etc. Et surtout ceux qui ont traduit tous les dialogues, parce que le jeu est traduit en français. Pour un fan game, c'est quand même assez, assez cool. Hein. Quand on voit Issa Thorny, où même les jeux officiels ne sont pas traduits, on se dit que traduire un fan game, c'est quand même... C'est quand même assez bon. Donc voilà, maintenant que j'ai mis les disclaimers, moi je trouve que le jeu est catastrophique. Pas dans le sens qu'il soit mal fait. Étonnamment, il y a très peu de bugs ou quoi que ce soit, contrairement au jeu officiel Pokémon, c'est drôle à un truc. Mais par contre, le problème, c'est que à aucun moment, tu sens qu'en fait c'est fait par des fans et tu sens que c'est pas des pros derrière. C'est-à-dire que le scénar, c'est beaucoup de choses qui se mettent bout à bout. Il arrive très tard. Tu comprends pas trop les tenants et les aboutissants. C'est assez étrange. Le côté Pokémon nucléaire, ça apporte pas grand chose en fait. Ça rend juste des combats inutilement durs pour rien. Parce qu'en fait, le principe des Pokémon nucléaires, c'est qu'ils sont super efficaces sur tout. Du coup, en fait, bah, y a plus de stratégie parce qu'ils sont super efficaces sur toute tête. Ah oui, d'accord. Donc tu peux pas te dire. Non, je crois qu'il y a le type acier, je crois qu'il résiste à l'uranium. Ce qui est pas non plus hyper logique, je crois, mais. Bah, surtout, ce qui est un peu bizarre, parce que le type acier, c'est déjà un des types qui résiste quasiment à tout, donc le rajouter encore une résistance niveau équilibrage, c'est pas fou. Mmh. Ah bah, Lesgord dit uranium dinguerie, dommage. Mais du coup, en fait, moi, mon gros problème, c'est que. Bon, déjà, les fake mon, c'est le problème, en fait, c'est que tu as ce sentiment où, en fait, c'est un peu. Comment dire, je sais pas si vous suivez un peu les streams d'Antoine Daniel, mais il parlait d'un poké qu'un de ses amis à lui avait imaginé, c'était au requin, et en fait c'était juste le mélange entre un requin et une encre, tu vois. Et j'ai le sentiment que Pokémon Uranium, c'est que ça en fait. C'est que des pokés où c'est des mélanges de deux trucs. C'est genre, je vais mélanger un sabre et une sardine, c'est un vrai Pokémon, et hop. Ça fait, je sais plus comment Sabredine. Il l'a appelé. Saïdine, je crois, parce que c'est un Saï, hein. Du coup, c'est Saïdine. Bref, c'est. Ça ferait Sabri en français, ce serait énorme. Ouais, non, mais c'est. Bah non, parce qu'un Saï, tu sais, un Saï, c'est le truc qu'a Raphaël dans les Tortues Ninja. Mais du coup, voilà, c'est toujours, il mélange deux trucs. Ou alors, t'as une fourmi de feu, mais c'est pas très clair pourquoi c'est une fourmi de feu. Bah, ça s'inspire des fourmis rouges, je suppose. Mais t'as pas ce côté où tu sens que dans les Pokémon, c'est toujours... Ils ont fait des recherches, ils ont essayé de s'inspirer. Il y a toujours des petits easter eggs, tu vois, genre... Noix de coco d'Alola, il est type dragon-plante parce que ça vient d'un palmier à Hawaï qui s'appelle le palmier, je crois, draconique. Et du coup, c'est lié à ça. Ou alors Libégon, qui est de type dragon et pas de type insecte, parce que l'espèce dont il est adapté, c'est le dragon des sables, tu vois. T'as pas tout ce côté où tu sens qu'ils ont travaillé, qu'ils ont demandé à peut-être des biologistes, etc., pour essayer vraiment de faire des références, des petits trucs où bah, y a beaucoup de gens qui disent que la meilleure partie dans Pokémon, c'est limite de lire les pages Pokédex et de s'intéresser à comment les créatures sont créées. Et du coup, bah vraiment, dans Pokémon Uranium, c'est dommage parce que je pense pas que ça soit un travail de professionnel de juste essayer de un peu faire de faire des recherches un petit peu sur les différents animaux, etc. Et c'est un truc que tu sens qu'ils ont pas fait, en fait. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Alors oui, du coup, Lesgord me dit « lower your expectations ». Je comprends, je sais que je suis peut-être un peu exigeant, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, quand on m'a présenté Pokémon Uranium, on m'a dit « tu vas voir, c'est tellement mieux que les originaux, c'est tellement mieux que les vrais jeux ». Et bah oui, ouais, pour on t'a surhypé le jeu, en fait. Pour un taf de fan, bah, y a pas que ça, en fait. C'est que pour un taf de fan... C'est aller une pub. Ah, je savais même pas qu'il y avait des pubs. Ah putain, il y a des pubs, OMG, j'ai envie de péter mon crâne. Mais du coup, il y a le côté où, bah, genre, c'est pas vraiment qu'on m'a surhypé le jeu, parce que moi, en commençant Pokémon Uranium, je me disais pas ça va être le meilleur jeu de toute ma vie. Mais je m'attendais à ce que ça soit un jeu vraiment qui tienne la route, tu vois, qui me fasse oublier que c'était un jeu de fan. Et bah, ça me l'a pas fait oublier, quoi. Chaque fois, j'étais en mode. En fait, à chaque fois, j'étais obligé de faire cette réflexion dans ma tête en me disant. Mais en fait, c'est un jeu de fan. Donc ne sois pas exigeant avec le jeu, ce n'est qu'un jeu de fan. Et je trouve que bah, c'est triste. Parce qu'il y a des jeux de fan, t'as des jeux de fans, bah t'as des jeux qui sont créés par une, deux, trois, quatre personnes, où je trouve que, ouais, ils tiennent la route par rapport à des vrais jeux, quoi. Enfin, des vrais jeux. C'est des vrais jeux. Mais ce que je veux dire, des jeux qui sont créés par des grosses entreprises, etc., vraiment, ils tiennent la route. Et je trouve que, bah, il n'y a pas ce côté-là avec Pokémon Uranium. C'est à chaque fois, je me disais, ouais, non, mais, comme dit Lesgord, lower your expectations, quoi. C'est un jeu de fan. C'est juste un jeu de fan. Et je trouve que, du coup, bah, c'est un peu triste. Parce que bah, vraiment, moi, je m'attendais à ce que ça soit un jeu, effectivement, qui propose une autre approche. Et honnêtement, il y a des fangames auxquels j'ai déjà joué et qui sont très bons et où j'oubliais des fois que c'était des jeux de fans. Et j'avais vraiment pas ce sentiment-là pour Pokémon Uranium. Et du coup, voilà. Donc, globalement, je pourrais faire plein de critiques. Hein, je pourrais dire que la difficulté est mal gérée, c'est-à-dire que le jeu essaye de te rajouter du challenge. En fait, il va te rajouter des challenges en faisant des pics de niveau où, du coup, ça te demande d'XP. Et ceux qui jouent à Pokémon savent que XP dans Pokémon, c'est toujours chiant. C'est pas ouf, ouais. C'est pour ça que je joue pas à Pokémon, d'ailleurs. Spammer A, tu vois. Oui, bah voilà, typiquement, je cherchais Nidox, merci, tu me sauves la vie. À M2R, tu oublies totalement que c'est un jeu de fan. C'est vraiment, tu joues à M2R, tu te dis, mais c'est un remake en pixel art de fou furieux. Même la plupart des remakes Mario 64 qui sortent aujourd'hui, les major remakes qui sont incroyables. Star Road, il y a des soucis techniques qui font que bah tu te souviens que c'est pas un jeu fini. Bon, même si encore une fois il y a des jeux officiels qui ont des problèmes techniques. Donc Let's Go M2R, c'est Another Metroid 2 remake. Oui, c'est ça. En gros, c'est remake de Metroid 2 sur. De Metroid 2 qui a été censuré par Nintendo parce qu'ils ont fait leur propre remake. Et beaucoup de gens trouvent que bah, le AM2R est mieux que le remake officiel de Nintendo. Ça se débat, hein. Il y a des fervents des deux côtés. Moi, j'ai joué que AM2R, donc je pourrais pas dire. Il y a des gens qui disent aussi que Metroid. Enfin, AM2R ne capture pas forcément l'origine de Metroid 2. Parce que justement, dans Metroid 2, le fait que tu joues sur Game Boy. Et le fait que tu joues sur un écran tout petit a contraint les développeurs à faire des choix au niveau justement de la mise en scène, et tu as un sentiment de peur et d'isolement qui est beaucoup plus présent par rapport à M2R, qui est beaucoup plus ouvert et peut-être. Donc voilà, il y a mais le remake ce... 3DS, il est aussi en plus grand écran, donc ça. Ouais, je sais, mais l'argument tient pas, tu vois. Je trouve vraiment que AM2R, vraiment, tu oublies que c'est un jeu créé par un fan. Très bon jeu, AM2R, il n'y a pas de... Et Uranium, bah, il y a vraiment pas ce côté-là. Et du coup, bah, j'étais en mode... Bah, genre... Et du coup, c'est triste, parce que c'est un jeu que je n'ai pas fini, parce qu'en fait, j'étais arrivé quasiment à la fin, j'avais battu les 8 arènes, etc. Donc, il devait me rester un bout du scénar et la ligue. Et vraiment, bah, j'arrivais pas à passer un méchant, parce que le méchant était beaucoup trop dur. En plus, tu peux pas XP avant, parce que le choix... extrêmement bizarre, c'est-à-dire que en fait t'as un passage en temps limité, bon du coup qui est buggé parce que bah en fait du coup si ton jeu il rame, et moi le jeu ramait, donc je sais pas si c'est parce que mon PC était mal optimisé ou quoi. Non, Pokémon Uranium rame apparemment, il est assez mal opti. Du coup c'est dommage parce que en fait bah après ça c'est un truc malheureusement c'est lié au fait que c'est des fans aussi, mais du coup bah quand le jeu lag, vu qu'en fait les secondes qui s'écoulent sont basées sur tes FPS, bah du coup le chrono il fait des moins une seconde plus une seconde, il est buggé du coup, donc c'est pas très agréable de pareil faire le temps limité, et du coup bah tu peux pas XP avant parce que bah c'est en temps limité la zone où tu peux XP en fait. Du coup, bah, t'es juste en mode, bah, je peux pas XP, en fait. Et vu que, bon, bah, tu gagnes des micro-XP à chaque fois que tu bats un Pokémon, bah, du coup, en fait, t'es juste en mode, bah... Il aurait fallu qu'en fait, je retente le boss 30 fois pour essayer de le passer, quoi. Et j'avais vraiment la flemme, je me disais... Bon, après, si tu veux retenter les boss 300 fois, joue à Elden Ring, Jem. Hein. Putain. Oui, ouais, mais... Voilà. Ouais, Elden Ring, c'est un côté skill. Là, c'était juste, il me manquait 10 levels, tu vois. Ouais. Oh non, mais t'inquiète. Et du coup, bah, ça m'intéresse pas, et justement en fait t'as le côté où les gens disent tout le temps que Pokémon c'est trop facile, mais t'as le côté où bah quand c'est toi qui te mets des challenges, bah du coup tu peux les réguler et voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. C'est le but du Nuzlocke, c'est ça, oui totalement, et c'est pour ça qu'il y a autant de challenges différents, de gens qui font des challenges en mode est-ce que tu peux finir Pokémon avec juste ce Pokémon, etc. Parce que bah justement, vu que le jeu est facile, ça a poussé les fans du coup à créer des nouveaux challenges, etc. Et je trouve que du coup, bah là, Pokémon Uranium n'arrive pas à trouver cet équilibre des autres challenges créés par les fans. Et je trouve que bah du coup, la difficulté est juste mal gérée. Voilà. J'ai une question. Est-ce que Pokémon Uranium, c'est le premier jeu de justement cette base de fans ? Oui, est-ce, qu'elle a créé d'autres, est-ce qu'elle a créé d'autres jeux après Pokémon Uranium? En fait, je crois que ça leur a pris un temps fou à le faire. Je crois que ça s'est étiré sur 5-6 ans, voire même plus. Alors, j'ai pas fait des recherches en amont, parce qu'au début, j'étais pas sûr de parler de Pokémon Uranium. Mais je crois que oui, ils ont passé 5-6 ans à faire le jeu, et du coup, ça leur a déjà demandé un taf énorme. Monstre. Et ouais. Encore une fois, ça se salue. Hein. Je ne nierai jamais qu'il y a un taf de fou sur Pokémon Uranium. Hein. Ça se sent dans chaque pixel. Mais c'est juste, ça ne me fait pas oublier que c'est un jeu de fan. Quoi. Mmh. Je ne peux que saluer. Je peux leur dire, je tire mon chapeau parce que vous faites un truc de fou, tu vois. Mais je peux pas me dire, vous avez fait aussi bien que les originaux, parce que c'est pas vrai. Je préférerais toujours jouer à Pokémon Emerald ou Pokémon Ruby Saphir ou Pokémon même Pokémon Gold ou un truc comme ça, parce que je trouve que c'est des jeux qui sont mieux faits. Et du coup, voilà, c'est juste ça. Voilà, voilà. Est-ce que c'est aux fans de faire le travail de jauger la difficulté? C'est un fangame, fatalement... Quand tu fais un jeu vidéo, oui. Ah, peut-être que tu parlais par rapport aux défis que se lancent les fans. Mm. Non, effectivement, après... 9 ans de développement, c'est énorme. Oh, la musique de dépression, attendez, je vais changer vite fait parce que c'est terrible. 9 ans de développement pour ce jeu. Ouais, 9 ans, d'accord. Oh. 9 ans de dev, merci Horus. Ouais, incroyable. Voilà. Et j'avais encore diminué leur travail. Non, mais c'est clair, on sent qu'il y a un travail de fou. Hein. Red Dead, c'est 8 ans. Hein. Red Dead 2. C'est ce côté. Mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que Nidox, en fait, c'est... On critique Nintendo pour faire des jeux trop faciles. Mais en même temps, et même je trouve que les derniers Pokémon, si on prend Legend Arceus et on prend Pokémon Écarlate et Violet, je sais plus, je crois que c'est Fildrong qui en parlait. Oui. C'est dur, hein, vraiment. Hein. Je pense qu'un enfant a du mal sur les deux derniers jeux. Qu'un enfant sur Arceus, il a vraiment du mal. Je pense que c'est compliqué. Hein. Donc on parle des jeux. On dit que c'est trop facile, mais en fait. Pas forcément. Et ensuite, il y a ce côté où, du coup, quand les fans essayent de faire un jeu où ils ajustent la difficulté, ça devient juste trop punitif et trop violent, en fait. Et du coup, t'es en mode, vous êtes parti dans l'autre extrême, donc ce qui est pas forcément mieux. Du coup, en fait, t'as ce côté où ils essayent de réparer un truc qui, en fait, peut-être marchait déjà bien, et du coup, en essayant de le réparer, ils cassent tout. C'est mon sentiment que j'ai eu avec Pokémon Uranium. Je comprends qu'on puisse pas le partager, hein. Moi, c'est encore une fois, je salue le travail qu'ont fait les fans dessus, mais c'est vrai que il y a des soucis qui, malheureusement, on a du mal à passer au-dessus. Je suis passé au-dessus, j'ai joué au jeu longtemps, hein. Parce qu'en plus j'ai dû XP parce que il y avait des passages où vraiment fallait que j'XP, sinon je passais pas le passage. Et j'imagine qu'il y a pas de contrairement à certains émulateurs, non, où t'as une option de vitesse accélérée. Si, je crois, mais en fait mon jeu laguait, et du coup en fait quand j'accélérais, ça laguait encore plus. D'accord. Ça c'est des petits problèmes qu'il y avait. Et du coup en fait j'ai déjà, faut bien se dire que je crois que j'ai 50 heures sur le jeu, hein. Donc je l'ai pas abandonné au bout de 10 heures en mode ah non, le jeu même pas. J'ai vraiment poussé en me disant non mais vraiment surmonte les problèmes, etc. Mais c'est vraiment ce dernier mur là, j'étais en mode non mais c'est, je m'amuse plus, en fait ça devient une corvée en me disant faut que je le finisse. Et à partir du moment où t'as plus de fun sur un jeu, ça a plus d'intérêt. Quand le jeu devient une corvée, je voyais plus que les points négatifs, et du coup je me suis dit tant pis, le jeu est pas fait pour moi, je comprends, il y a des gens qui sont en mode c'est incroyable, etc. Les Gord était dans cette optique là. Moi c'est vrai que malheureusement j'ai pas pu, ça m'a pas convaincu. Voilà. Tout simplement. Parlons de jeux mal fichus, parlons de Pokémon Écarlate. Allez. On reste sur Pokémon du coup. Restons sur Pokémon. Attends, ressenti sur Arceus d'abord, et après on parlera de Violette et Oui, alors le ressenti sur Arceus, justement, problème, c'est que Arceus avait plein de bonnes idées et qui ont été un peu enlevées du coup dans Écarlate et Violet. Notamment les captures à la volée, les captures à la volée. Pareil, le fait que les Pokémon t'attaquent, je sais qu'il y a des gens qui trouvaient ça chiant, mais moi en fait, ça me fait trop bizarre que t'es genre sur la map un éléphant qui fait genre 600 kilos. Bon, déjà, ce qui est très peu pour un éléphant, mais bon, c'est le monde de Pokémon qui marche comme ça. Donc t'as une bête de 600 kilos face à toi, et elle te laisse passer tranquillement, et si elle te fonce dessus, ça crée juste un petit combat tout doucement et tout. Et je trouvais que Arceus te donnait beaucoup plus ce côté où bah, je sais qu'au bout d'un moment, c'était chiant que les paras, ils te aggro même quand t'avais 60 niveaux de plus qu'eux. Mais t'avais ce côté un peu réaliste, tu vois. C'est bizarre que des animaux sauvages, ils te laissent passer tranquillement, te balader et ça se passe rien. Oui, puis surtout, moi, je trouvais que... Le Pokémon sabre-poisson s'appelle Daikatuna. Mais il y en a plusieurs, en fait. Et ça, c'est le nom anglais. Mais oui, ils ont des trucs... Ah, parce qu'ils ont traduit les noms des Pokémon en français aussi. Oui, c'est... encore ah, une putain, fois. Ouais, quand même. C'est un taf de fou, hein, mais... Vraiment, encore une fois, il y a du taf de tous les côtés sur Pokémon Uranium. Mais moi, surtout, je trouvais que les Pokémon... Alors, c'est pas les dominants, c'est les comment ils s'appellent les, pas les, c'est les alphas les gardiens, en anglais. Les gardiens, non Non, les Pokémon... les plus gros Pokémon, les Pokémon plus forts. Baron, merci. Baron, d'accord. Oui. J'avais alpha en anglais, parce que je crois que c'est ça, mais... voilà, les barons. Moi, j'étais sur les gardiens, les boss, oui. En fait. Les Pokémon barons, je trouvais que même si t'avais parfois 15 levels de plus, ils mettaient des tatanes à tes Pokémon. Ouais. Et même certains Pokémon de dresseurs, même si t'as alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que même si toi tu t'as 10 levels de moins, tu peux leur mettre des fessées. Mais eux, s'ils ont 10 levels de moins, ils peuvent aussi te mettre une fessée. Ouais, c'est clair. Du coup, ça fait une difficulté. Y a des pics de difficulté dans Arceus qui sont, pour un Pokémon, assez agréables. C'est pas juste j'ai un Pokémon super efficace, je roule sur le dresseur en face. Ouais, c'est clair. Genre, je pense que c'est pas possible de faire le jeu... Ce que tout le monde se plaignait, je crois que c'était Plouf qui s'en plaignait aussi, c'était ce côté où tu gardes ton starter tout le long et tu fais tout le jeu avec ton starter. Là, je pense que c'est difficile avec un seul Pokémon dans ta team, même très haut level. Je pense que t'as quand même du mal parce que t'as des Pokémon barons qui vont te massacrer s'ils sont super efficaces sur toi, quoi. Mm-hmm. Et Pokémon Legends, c'est un des... c'est un Pokémon qui tente quelque chose niveau scénar, en termes scénaristiquement parlant, qui je trouve est franchement pas dégueu. Est-ce qu'on peut parler de la fin, parce que le jeu est sorti il y a pas mal de temps, on va peut-être éviter quand même. Je ne sais pas, on va éviter de spoiler, parce que je trouve que la fin a un des... est vraiment assez surprenante, j'avais pas forcément vu venir. Moi j'avais pas vu venir retournement aussi final, oui. Aussi cash, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est vraiment il y a un côté et c'est vrai qu'on parodie un peu le côté isekai, mais je trouve que c'est vraiment très efficace, je trouve que c'est vraiment un moyen de te plonger dans le jeu et je trouve que c'est pareil, un truc qu'on n'a pas trop dans Écarlate et Violet. Là où je sentais que ton perso, il réagissait à ce qui lui arrive, tu vois. C'est-à-dire que, quand t'avais le côté où, à un moment du jeu, je vais pas expliquer pourquoi, tu te fais chasser du village. Et du coup, en fait, t'as tous les passants que pourtant t'as aidé parce que t'as fait des quêtes annexes et tout. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient enlevé les quêtes annexes dans Écarlate et Violet. Mais c'est vrai que dans Écarlate et Violet, ils enlèvent beaucoup ce côté... les personnages ont un peu une personnalité, etc. C'est vraiment, ils se focalisent sur les Pokémon. Mais du coup, salut Sony Link. T'as ce côté. Où t'es en mode genre. Tous ces mecs que j'ai aidés en fait, juste parce que genre, je suis un peu différent d'eux, ils me chassent, tu vois, ils disent je savais qu'elle était mauvaise ou quoi que ce soit, etc. Et du coup. Tu sentais que ton perso, la pression était lourde, et dans Écarlate et Violet, je trouve que ton perso a pas de personnalité. C'est un peu triste, en fait. Parce que là où dans Écarlate et Violet, je trouve que la team principale, donc c'est-à-dire les 4 persos, du coup, oui, c'est ça. Globalement les 4 persos, ouais. Ou même les admins de la team ont beaucoup de personnalité et sont plutôt très bien écrits, Les champions sont assez mémorables, en vrai, je trouve, dans Écarlate et Violet. Alors que ton personnage, il est terne, quoi. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Il est vraiment terne, ton perso. Il n'a pas vraiment de personnalité, pas vraiment d'identité graphique, parce qu'il est en uniforme en plus. Tu peux même pas vraiment lui donner un aspect comme dans les jeux où il a vraiment un style différent. c'est un peu dommage. Moi, j'étais complètement dégoûté de voir que dans Écarlate et Violet, il y avait 2-1. Les boutiques de vêtements qu'on avait dans X et Y et qu'on avait dans Alola, genre, c'est un menu. J'ai eu envie de me tuer. Parce que, ouais, genre, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Mais surtout, bah, y a uniforme d'été, uniforme d'hiver, un peu de bonnet, quelques chaussettes, des bottes, je crois, et encore, même pas, j'ai un doute. Et c'est tout. Bah, t'as ce côté où vraiment tout tourne autour de l'école, et du coup, je pense qu'ils ont pas voulu faire une personnalisation qui était trop aboutie pour pas te sortir de ce cadre scolaire. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, le jeu a des qualités de fou. Hein. Moi, je trouve que il y a vraiment le côté liberté qui est super cool. Moi, je trouve que c'est un des... Bah, il y avait un peu ça aussi dans... Bah, c'est un peu un truc que je fais avec... Enfin, c'est un peu une qualité que je trouve à chaque Pokémon. Mais que là, je trouve qu'elle était vraiment, vraiment bien... Qu'elle est vraiment cool. Ils ont fait un effort, pas au niveau du chara-design des dresseurs, qui je crois qu'il y en a 7 ou 8 à tout péter. Même si il y en a pour le coup on s'en rend pas compte, mais il y en a quand même pas mal. Même si on a quand même des efforts au niveau de la mixité, de la représentation, on a des femmes musclées, on a un peu plus de vieux, c'est vraiment cool. On a des montagnards, chose qui n'existait pas avant cette génération. Ou peut-être la gen 8, j'ai un doute, je sais pas, j'y ai pas assez joué. Mais surtout au niveau des designs, des champions, des persos un peu principaux, des membres de la Team Star, c'est tout, globalement. Je trouve que ils ont vraiment des designs reconnaissables, mémorables. Et même si c'est une qualité qui compte beaucoup de jeux Pokémon, je pense à la 5G avec des champions très très très populaires, la 4G pareil, ou même la 6G avec certains membres du Conseil 4, je trouve que vraiment l'identité visuelle de ce Pokémon avec les personnages a un charme, et je sais pas pourquoi ça m'a plus fasciné et touché que les autres. C'est ça, et t'as ce côté aussi très très japonisant, qui est bizarre parce que ça se passe en Espagne, je comprends pas le truc. Ouais, non, mais et t'as ce côté où t'as les boutiques de ramen un peu partout, etc. Moi ça m'a beaucoup ramené le Japon. Il y a même des références, il y a le réseau Cas d'Oiseau qui est une référence assez évidente à Dangirote au Japon, du coup qui est un peu le magasin, la foire fouille, j'ai pas de meilleur exemple. Ouais, non, mais je pense que c'est ça, hein. C'est globalement la foire fouille. Hein. Mais du coup, t'as vraiment ce côté bric-à-brac et tout, qui est très japonais. Pareil, t'as un personnage, je vais pas spoiler lequel, mais qui est dans cet esprit un peu. Employé de bureau, voilà, employé de bureau tout le temps qui est fatigué et tout, qui est un truc pareil très japonais, qui est un truc qu'on retrouve dans Agretsuko, etc. Donc ce côté un peu l'employé de bureau mis sous pression, un peu au bout de sa vie, etc. Et je trouve que c'est vraiment vraiment ils ont travaillé cet aspect là et c'est dommage parce que l'open world te fait un peu oublier les villes, en fait. Là où je trouvais que le fait de se cantonner à un seul village dans Arceus était intéressant, parce que du coup, bah, en fait, dès que tu avais de l'interaction, il était au sein du village, tu vois. Bah là, le côté d'avoir du coup plein de villes aux quatre coins du truc, bah, je trouve que du coup les villes perdent de l'identité. Et c'est dommage parce qu'il y en a qui ont des super idées de design. Je pense à la ville Plante qui est très très jolie, qui a des espèces de trucs d'art moderne qui la rend très reconnaissable. Moi j'aime bien la ville dans la neige. La ville dans la neige aussi est très jolie. Businessman. Ouais, mais c'est Businessman, t'as ce côté un peu genre Startup Nation, etc. Non, c'est vraiment employé de bureau, exploité, donc c'est pas du tout la même idée. Mais t'as vraiment ce côté... Putain, par contre, les sbires de la Team Star, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, c'est... C'est vraiment le gros point noir le grand point noir du truc. Mais pareil, la Team Star, elle a vraiment une identité, et c'est vraiment une des meilleures teams. En fait, c'est difficile pour moi de dire lequel est le mieux entre Legend Arceus et Violette. Violette, forcément, t'as le frisson de la nouveauté, tu découvres des nouveaux Pokémon, et du coup, forcément, ça te stimule un peu plus. La 4G, on commence à la connaître, quand même. Mais moi, je pense que les deux ont des qualités, et franchement, s'ils arrivaient à fusionner les deux, et bien sûr à donner plus de temps à leurs équipes, c'est le truc un peu évident. Oui, parce que c'est évidemment, bon, on va pas... Évidemment, on va pas reparler de ce que tout le monde a cité, le jeu est dans un état catastrophique. D'ailleurs, il fallait donner une mise à jour qui sort cette semaine. Ouais, c'est ça, la 1.2.0, je crois. Ouais, c'est ça, la 1.2.0. Et bien sûr, le jeu était buggé dans tous les sens, mais on avait déjà vu les prémices avec... avec Arceus, c'était hein. pas trop... Arceus était buggé Arceus était quand même bien buggé des fois. Était pas tant... Enfin, au niveau c'était bug... C'était plus il est moche et il avait voilà, des ralentissements. Plus il est moche et il ralentit qu'il est buggé. Mais typiquement, je sais que les ralentissements dans Pokémon Violette et Écarlate, c'est vraiment le gros, gros point noir du jeu. Parce ouais, qu'il y a vraiment des moments où ça casse les couilles. Rien que la zone du lac qui est juste pas agréable. Ouais, où il y a des trucs genre les moulins. Les moulins, toutes les c'est pales pas beau, des moulins sont en 2 FPS et t'es en mode, bah genre, c'est joli, mais du coup je peux pas profiter du fait que ça soit joli parce que bah, les pales elles bougent en 2 FPS et je vois que ça en fait. Et du coup, bah limite, mettez le fait que les pales ne tournent pas quoi, assumez votre truc, mais là n'essayez pas, là c'est vraiment ça me brise l'immersion. En fait, c'est un peu le souci, c'est que les bugs, ils te brisent l'immersion. Genre, typiquement, moi, j'avais eu... alors, je l'ai peut-être eu au pire moment. Et du coup, j'ai appris dans la vidéo de Lopo quel bug c'était. En fait, de temps en temps, t'as des sprites de Pokémon au hasard qui se mettent au point zéro de certaines maps, en fait. Ah oui, moi aussi, je l'ai eu. Et du coup, en fait, j'ai eu ça, mais j'ai eu ça dans le post-game. Donc, au moment où c'est hyper tragique et où t'as plein de révélations, tu vois, dans l'ascenseur, les gens verront où c'est. Et moi, j'avais un guerrier-aigle qui était au milieu. Et j'étais en mode, mais pourquoi il y a un guerrier-aigle, quoi? J'étais en mode, est-ce que c'est un truc pour se téléporter après, genre pour faire vol et tout? Et j'étais en mode, attends, il y a un truc... Et quand, du coup, dans l'ascenseur, j'ai pas tiqué, même s'il passait à travers les persos, j'étais en mode, bon, bah, le jeu est mal fait, mais bon, ça, je commence à m'y habituer. Mais c'est quand il est arrivé vraiment à la cinématique de toute fin, quasiment, que je me suis dit, attends, je vais reset le jeu et je vais voir ce que ça donne. Et non, c'était un bug. Et j'étais en mode, c'est tellement un bug qui est visible, mais de fou, au bout d'un moment tu te dis mais attends, mais est-ce que c'est vraiment un bug, genre est-ce que c'est une volonté? Non, alors pour moi je pense pas qu'il faut passer la... est-ce que vous avez eu le bug ou la Pokéball en plein milieu d'une pièce durant une cinématique? Oui, moi j'ai eu ça pendant une cinématique d'un des personnages qui s'appelle... Bah moi je te dis c'était Pepper. Pas une Pokéball, c'était un Garyagle. Apparemment c'est le même bug. Oui, c'est la même coup, idée moi, de c'était bug. C'était pas une Pokéball, c'était un Garyagle. Donc vraiment ça me cachait les persos, c'était terrible. Bah en fait moi le truc c'est que j'ai eu ça dans une des grottes d'une cinématique de Pepper, j'en dis pas beaucoup plus. Et du coup, en fait, j'ai cru que c'était une zone où on pouvait retourner et qu'il y avait des objets. Et du coup, j'ai essayé en boucle, en mode, ah, est-ce que je peux rentrer et tout. Et non, en fait, non, c'est juste, c'est un bug. Et c'est incroyable. Juste nul. Et c'est dommage. Et pour le coup, Nidox, moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faut passer la licence à un autre développeur. Je pense qu'il faut laisser du temps aux développeurs. C'est surtout ça. Parce que les gens d'Arceus, on sait qu'il a été fait un peu plus à la va-vite que Violette et Scarlet, parce que apparemment Violette et Scarlet a commencé son développement avant Pokémon Légende. La différence entre 2 ans et je pense que ça doit être 4 ans pour Violette, c'est pas beaucoup, hein. Mais moi, je me pose encore la question de savoir pourquoi ils ont sorti 2 Pokémon voilà, majeurs dans l'espace de 10 mois, quoi. Là, c'est honteux. Tu le vois clairement que les gamins, ils sont à 10 FPS. C'est casse-couille. Ah oui, c'est vrai. C'est juste trop chiant. Non, mais moi, il y a un truc. Je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti 2 jeux majeurs Pokémon en 10 mois. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont... Je ne comprends pas cette idée-là. Si tu me dis justement que Pokémon Violette a mis beaucoup plus de temps de développement que Arceus, je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Est-ce qu'ils avaient 2 idées pour créer 2 jeux et ils se sont dit on va balancer les 2 idées, on va voir ce que ça donne pour voir pour notre prochain jeu quelle direction on prend? Je sais pas du tout. En fait, je pense qu'ils avaient... en fait, c'est un problème où ils étaient en mode, on a peur peut-être que Arceus ne plaise pas parce qu'il est trop différent. Ouais. Je pense qu'il y avait un côté... En fait, je pense qu'il y avait un côté amorce de Arceus. Parce qu'en fait, ils savaient qu'après Écarlate et Violet, ils pouvaient pas vraiment revenir en arrière. C'est difficile de proposer. C'est un peu le même problème qu'il va y avoir avec Zelda. On va voir avec Tears of Kingdom. Peu le truc où... Quand t'as fait un open world quasi total, c'est difficile de dire bah non, maintenant on va repasser dans des jeux linéaires, etc. Et du coup, je pense qu'ils avaient ce côté où ils savaient que dans... si jamais ils prenaient l'amorce de l'open world, bah, ils pouvaient pas revenir en arrière, surtout pour les jeux principaux. Mmh. Et du coup, je pense qu'ils se sont laissés le tempo d'Arceus en mode, on tâte le terrain avec Arceus. Si Arceus marche bien, on garde notre portée sur Écarlate et Violet. Et si jamais Arceus ne marche pas, bah on a 9 mois, je crois, à peu près. On a 9 mois pour essayer de remanier le jeu, pour réduire le côté. 9 mois pour faire un nouveau jeu, les gars. Laisse partir. Et du coup, finalement, le côté open world a beaucoup plu. Hein. Mais du coup, c'est indéniable, le problème maintenant, mais... il est au niveau de la boîte en tant que tel. Oui, voilà, c'est con parce que c'est un jeu c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, mais qui a un potentiel gâché parce que le jeu n'a pas le temps. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont nous faire avec les... J'espère qu'il y aura des DLC parce que ça va permettre d'essayer de boucler un peu le jeu et de rajouter peut-être des trucs plus finis. Ils n'ont pas annoncé Monica, en tout cas. Oui, incroyable. Mais j'espère juste comment on aura peut-être une nouvelle zone un peu plus polish, un peu plus finie, comme avait pu avoir Couronneige avec, comme avait pu avoir Épée Bouclier avec Couronneige, qui apparemment était très bien. Je l'ai pas faite, mais apparemment c'était plutôt bien de ce qu'on m'en a dit. Alors il y a un truc. Nidox, c'est vrai à moitié. Désolé Nechiko, je te laisse après. Mais il dit un choix incompréhensible. Ils savent très bien que quoi qu'ils fassent, ça se vendra parce que c'est Pokémon. C'est pas forcément vrai. Hein. Il y a beaucoup de, notamment de spin-off de Pokémon qui se sont pas si bien vendus que ça. Beaucoup de spin-off sur DS qui se vendaient assez mal. Pokémon Conquest, on rappelle qu'il est jamais sorti du Japon, justement parce que il s'était pas si bien vendu que ça au Japon. Pokémon Donjon Mystère qui n'a pas eu de nouveaux opus depuis plus de 7 ans. Les Donjons Mystères se vendaient bien, mais pas aussi bien que les jeux principaux. Je pense pas que c'est juste parce que tu mets un skin Pokémon que le truc se vend instantanément. Mmh. Et surtout, en fait, t'as un peu ce côté où... j'en discutais sur le serveur, mais c'est ce côté où... en fait, les licences, ça marche de... Enfin, c'est pas que ça marche de moins en moins bien, mais c'est que c'est très facile de gâcher le potentiel d'une licence. On l'a vu avec Star Wars, où on est passé de licence la plus lucrative du monde à une licence où les gens... Putain, on en a marre des séries Star Wars, etc. On en a marre des films. Ils osent plus sortir de films Star Wars parce que tout le monde en a marre. Mmh. Pareil, Marvel, ça commence à s'essouffler. Certes, les films font encore du bruit, mais pareil, les gens sont en mode on en a marre et tout. Et maintenant, il y a de moins en moins de films, c'est beaucoup plus de séries, etc. parce que ça coûte moins cher. Et en fait, je pense qu'ils ont de plus en plus peur d'avoir une poule aux œufs d'or et de la maltraiter. Et que du coup, la poule, elle arrête de pondre. Et du coup, moi, je pense que c'est pareil avec Pokémon. C'est-à-dire qu'ils sont en mode c'est touchy parce que ça nous rapporte quand même énormément de sous. Et du coup, si on fait n'importe quoi avec la licence, il y a moyen que juste la licence elle meure. Vous entendez parler de Pokémon Unite? Ça, Pokémon Unite, pareil, hein, c'est un jeu. Alors, il a marché dans un premier temps parce qu'il y avait le skin Pokémon, mais il s'est vite essoufflé parce que le jeu était mal équilibré, il y avait des problèmes, etc. Alors, je crois que Pokémon Unite, ça continue à marcher quand même. Mais voilà, et Pokémon Go, pareil, ils ont su renverser la balance. Mais Pokémon Go, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah en 2 mois, ça a floppé, en fait. Après 2 mois, plus personne s'intéresse au jeu. » Et du coup, t'es en mode « Non, clairement, si tu manipules pas bien, en fait, ta licence, y a moyen que, en fait, les gens juste en aient marre et arrêtent. » Et c'est pour ça que, pour moi... Là, l'amorce qu'ils ont fait, la preuve qu'on a Pokémon Écarlate et Violet devant nous et Pokémon Légende Arceus juste avant, pour moi, le fait qu'ils tentent des trucs aussi risqués que faire un open world sur une licence qui a toujours été ultra linéaire, etc., c'est une vraie prise de risque qui montre qu'ils ont peur que s'ils continuent à faire constamment la même chose, les jeux, fur et à mesure, ils arrêtent de se vendre. Et c'est un truc que je précisais en regardant un peu les ventes des différents jeux. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un moment avec la 4G où en fait il y avait une baisse globale des jeux au fur et à mesure, où la hype, la Poké hype baissait au fur et à mesure des jeux, et en 4G ils ont réussi à réaccrocher une nouvelle génération qui ensuite a suivi jusqu'aujourd'hui au remake de la 4G, etc. La 4G quand elle est sortie, elle était détestée, elle était pas aimée par les anciens. Et aujourd'hui, pourquoi elle est autant aimée, la 4G? C'est parce que c'est les jeunes de la 4G quand elle est sortie, les gens qui étaient petits quand la 4G est sortie, qui aujourd'hui sont devenus plus grands, et ils ont aimé la 4G étant petits, et en fait c'est un peu... c'est l'argument qu'on disait en 5G de la 1G, elle était mieux. C'est juste que... Non, on parle de la 4G, Sonic. La 4G était pas aimée quand elle est sortie. La 5G, la 4G... c'était encore pire, mais la 4G, énormément de gens l'aimaient pas. La 5G, moi, honnêtement, je trouve au contraire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimée. Alors, c'est peut-être à posteriori. La 5G, dans un premier temps, vraiment très peu de gens l'aimaient. Et ensuite, au fur et à mesure, les gens sont revenus dessus et ont dit si, il y avait des idées très très bonnes. Alors, mais aujourd'hui, de toute façon, Pokémon, c'est... Excuse-moi, c'est coup promis, après, je te laisse parler. C'est juste, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont parler de Pokémon en mode « Oh là là, le nouveau Pokémon, il pue la merde. » Et puis, genre, dans un an ou deux, on dira « En fait, effectivement, c'était le meilleur Pokémon sorti jusqu'à présent. » C'est un peu le problème de ça. Mais moi, c'est surtout, je pense qu'ils essayent de rentrer dans une amorce là, où ils essayent de refaire une 4G, du coup. C'est-à-dire reprendre des joueurs, parce qu'ils savent que finalement, bah, les gens, il y a forcément des gens qui se désintéressent de la licence. Et du coup, ils essayent justement, en prenant un virage, peut-être qu'en 4G c'était un virage du lore, où ils ont ajouté énormément de lore, et du coup ça a attiré des nouveaux joueurs qui étaient en mode « Ah ouais, il y a un lore de fou à Pokémon et tout ». Et je pense que là, peut-être avec l'open world, ils ont ce côté où on va essayer d'attirer du coup une nouvelle génération qui sont peut-être intéressés par d'autres trucs, parce que bah, c'est bête à dire, mais c'est une licence, comme j'ai donné les exemples juste avant, c'est pas parce que t'as la licence que tout va se vendre, en fait. C'est vraiment, si tu fais des bêtises avec, bah vraiment, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense que c'est vraiment, il y a tellement de millions et de millions qui tournent autour de Pokémon que vraiment, ils ont peur que ça arrive. Et je pense que c'est pour ça qu'ils essayent de prendre des risques, etc. Parce qu'ils sont vraiment dans une période où ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ça tienne, quoi ?» Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'ils savent que ça peut flancher d'un jour à l'autre, quoi. Et justement, je vais rebondir là-dessus, parce que cette année, enfin l'année dernière plutôt, il y a une information qui est passée totalement inaperçue, mais qui est pourtant hyper importante. C'est Junichi Masuda qui a quitté Game Freak. Donc Junichi Masuda, c'était en gros, c'était le producteur... c'était le directeur de la série Pokémon depuis Pokémon Platine. Ah, c'était pas... C'est Ruby Sapphire, ouais, non, depuis Pokémon Platine. Il a travaillé sur l'écriture des jeux depuis Pokémon Sapphire. Ah, c'est ça, d'accord. Ah. Il était aussi à la programmation du premier épisode de la série. Et il a été, je vais pas dire remercié parce qu'il a changé de poste, mais il a changé de poste, il a accepté un poste donc à la Pokémon Company. Mm. Et visiblement, il ne s'occupe plus de développer les jeux. Donc, est-ce que ça... sanctionne la nouvelle direction que va prendre la licence Pokémon au niveau des jeux, avec justement une ouverture via l'open world ou ce genre de choses là, parce qu'il a pas travaillé sur Legend Arceus. Le dernier jeu sur lequel il a travaillé, c'est Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment une pièce maîtresse qui s'en va finalement de Game Freak. Alors que c'est quelqu'un qui connaît la licence depuis ses débuts, quoi. Donc c'est peut-être révélateur aussi d'un changement. Bah, je pense que c'est révélateur d'une nouvelle. Je pense que lui, du coup, bah, si tu dis Pokémon Platine, ça va encore plus dans ce que je disais. C'est vraiment lui, il était dans l'amorce de la 4G jusqu'à la 7G, en fait, qui finalement, même si les jeux sont assez différents, se ressemblent plus ou moins. Hein. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont qui se marquent avec un lore et une histoire qui est quand même plus complète, etc. Donc c'est des jeux qui thématiquement peuvent être regroupés. Et là je pense qu'on est vraiment sur une troisième idée avec la 9G, du coup. Ça peut faire globalement 3, ensuite 4 à 7 et ensuite 9 à... Enfin ensuite 8-9 qui sont un peu collés. Parce qu'il y avait déjà une amorce de l'open world dans Épée et Bouclier. Mais du coup je pense qu'il y a vraiment une nouvelle amorce. Et je pense que les gens qui disent bah genre... oui, non, mais Pokémon, tout se vendra, ils peuvent faire n'importe quoi, etc. Non, moi, je pense, en fait, surtout que là, on est dans un cap où bah, ils essayent de tenter des nouveaux trucs, dont forcément, bah, ça foire, parce que faut bien se dire que quand tu as une équipe qui est faite pour faire des jeux 3DS sans ambition linéaire, quand tu fais un open world sur une console next-gen, forcément, c'est comme si on demandait... aux gens qui ont fait Pokémon... BDSP de maintenant faire un jeu One Piece, mince, c'est ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est Ilka qui fait le dernier jeu One Piece. Mais, mais du coup, mais il y a le CA, ils ont des compétences. Donc, mais en fait, t'as un peu ce côté où, bah en fait, c'est un peu le même souci qu'on avait eu avec Sonic, etc. C'est que quand ils essayent de faire des nouveaux trucs, bah faut tenter, des fois ça rate, des fois ça rate pas, faut savoir prendre l'occasion quand tu vois qu'il y a un truc qui prend, c'est mais faut lancer plein de lignes en fait et voir ah bah ça ça tient, du coup on va peut-être aller dans cette vague, etc. Et moi je pense que vraiment une licence qui se renouvelle pas, et c'est pour ça qu'on a plein de licences qui essayent de se renouveler, parce que bah ils savent qu'une licence ça meurt, hein. Essayez de regarder toutes les licences des années 90 qui ont pas passé les années 2000, hein. Il y en a plein hein, en jeux vidéo, etc. Des licences que bah qui étaient phares à l'époque mais qui ont pas passé les années 2000, hein. Donc faut vraiment pas se dire que instantanément, qui les ont passé mais qui ont passé qui ont passé difficilement, on va dire. J'aurais plus dit 2005, mais voilà. Bah ça dépend, après on peut là je prenais un exemple, mais c'est-à-dire que une licence, faut pas se dire que instantanément c'est une étiquette que tu mets des ce qu'ils voulaient faire dans les années 90, hein. C'est on prenait une licence, il y avait un jeu japonais qui était un peu bizarre et qu'on voulait vendre en Occident, on mettait une licence qui était connue en Occident et hop, le jeu va se vendre. Bah non, parce que le jeu était tout moisi, du coup il se vendait pas. Est-ce que vous vous souvenez d'Alex Kidd ? Bah Alex Kidd, ils ont fait que ça. Le premier jeu était super bien. Après, ils ont pris des jeux qui avaient rien à voir au Japon. Ils leur ont mis l'étiquette Alex Kidd pour que ça marche. D'où le fameux Alex Kidd in Knife Take World que JDG avait parlé dans une de ses émissions. Ils y ont mis l'étiquette Alex Kidd en mode « Oh bah le jeu va se vendre, c'est Alex Kidd, voilà !» Bah non, tout le monde a trouvé ça nul. Et maintenant, est-ce que vous voyez des jeux Alex Kidd sortir ? Bah il y a eu plus un peu pareil avec Sonic. Il y a eu un remake... Oui, Sonic Boom, c'est pareil. Sonic Boom, c'est un jeu de... Alors, j'ai toujours... C'est pas Press Start Button, ça c'est le truc de Punky. C'est Red Button, je crois. Non, c'est... Le nom de la société qui a fait Sonic Boom. C'est Red Button, c'est Red Button. Mais en fait, Sonic Boom n'est pas un vrai jeu Sonic, entre guillemets. C'est juste un jeu d'une autre boîte sur lequel ils ont passé le skin Sonic. C'est un jeu d'éditeur tiers, en fait. C'est un truc, c'est un petit peu comme Mario et les Lapins Crétins, si vous voulez. C'est pas vraiment... Même si Nintendo, je crois, met un peu les doigts dans... Beaucoup, surtout sur le dernier. Les doigts dans l'engrenage, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est pas un jeu de la Sonic Team. Et du coup, en fait, c'est un peu ce côté où, bah, juste passer une étiquette pour qu'un jeu se vende, bah, si le jeu est tout moisi, ça passe pas, en fait. Et du coup, je pense que Pokémon, ils réalisent ça, en fait. Et du coup, ils essayent de se renouveler. Désolé, du coup, je suis un peu. C'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Parce que beaucoup de gens simplifient le truc, alors qu'en vrai, c'est un truc qui est vraiment. Qui est un peu pantagruélique où t'as des engrenages qui vont dans tous les sens, et du coup c'est vrai que les gens qui simplifient ça juste en disant les fans de Pokémon ils sont cons, ils achètent tout parce que la nostalgie, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Je vais revenir sur ce que disait Yuyu par rapport à ILCA qui a travaillé effectivement sur Nier Automata et Metal Gear Rising, mais eux ils ont travaillé surtout sur le côté cinématique des jeux. Oui, c'est ça. BDSP c'était vraiment le premier jeu qu'ils faisaient, ils ont même créé un département jeu vidéo pour ça. Techniquement, ils ont créé la Pokémon. Ils ont fait aussi le Pokémon Home. Oui, Pokémon Home, pas Pokémon, désolé. Pokémon Home, effectivement. Qui a été leur première expérience, mais leur premier vrai jeu, c'est vraiment BDSP. Et du coup, One Piece Odyssey, maintenant, on va voir globalement. Qui est sorti le 12 janvier, donc il y a deux jours. Il a des notes moyennes. Apparemment, il a des notes moyennes. Il a 14 sur JVC, 76 sur Metacritic. C'est moyen. Pour un premier jeu, c'est pas mal. Ah non, pour un deuxième, du coup. Oui, pour un deuxième jeu. Mais c'est plutôt pas mal pour un... T'as quand même acheté le DSP alors que t'as voulu buy cap, let's go. Tu passes de la Switch à la PS4, au PC... Oui, bien sûr. Même PS5, je crois, Odyssey est sorti sur PS5. PS5, peut-être. Ouais, PS5 aussi. Hein. Donc 14-15, c'est plutôt pas mal, quand même. C'est un bon... C'est vrai, c'est pas mal. Un bon jeu. On verra comment. Alors, je sais pas, du coup, ça se dit IDKA ou ILCA. Mais... ILCA, moi je dis, après, je sais pas du tout. Mais voilà, on verra comment ils évoluent. Je pense qu'on peut passer à un autre sujet. On a beaucoup parlé de Pokémon. Enfin, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'ai un peu. Ah, mais t'inquiète, c'est pour pas, compenser Nier Automata. Hein. Ah, voilà. Tu l'as plus que compensé là. J'ai le droit à faire mon monologue. Moi j'ai deux jeux dont j'aimerais, enfin j'ai un jeu majoritairement où j'aimerais parler, puisque je l'ai commencé il y a quelques mois et je suis tombé un peu dans l'engrenage, et voilà. C'est Final Fantasy XIV dont j'ai je commencé m'en vais, à parler tout salut, à l'heure. Salut, ça y est, c'est attendez, faut que j'aille choper un. Attendez, faut que j'aille inviter Varazan sur le j'aille choper un peu de gameplay quand même, parce qu'il faut pas déconner. Mais A Realm Reborn, c'est parfait. FF14, qui est vraiment l'exemple du jeu, c'est une catastrophe. versus maintenant c'est une masterclass. Sachez que le long play de FF14 fait un jour sur YouTube. Il y a aucune blague. Regardez. Voilà. Tu veux que je te dise ? Moi, ça me surprend pas. Hein. Un jour, 4 heures, 58 minutes et 52 secondes, partie 1. J'espère qu'il y a du montage quand même. Non, c'est du no commentary. Et on rappelle qu'il y a quand même un mec qui a fait une vidéo de. Du coup, ça veut dire qu'il a joué un jour non-stop. Ouais, ça veut dire que ouais, c'est un jour non-stop. Voilà. Varazan, hein, bien sûr. Évidemment. Alors je suis même pas à la moitié de la première extension, donc bon, je vais pas en parler beaucoup en disant des choses très philosophiques et très théoriques sur le jeu, parce que globalement j'ai joué 30 heures à peine. FF14 globalement c'est, si je ne dis pas de bêtises, un espèce de gros renouveau dans la saga FF. Qui a commencé il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui continue d'exister avec la dernière extension Endwalker l'un des derniers patchs de Endwalker qui est sorti il y a quelques jours, qui est sorti le 10 janvier. Et l'une des futures extensions qui apparemment, d'après des théoriciens fans les gens qui font qui émettent des théories sur quand sortira la première extension de FF14, c'est un peu des espèces de chamans, si vous voulez. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent des événements, ils disent, alors à peu près au niveau de la théorie, c'est un peu comme les Mayas avec leur calendrier. Ah ouais, je crois que ça a un nom d'ailleurs sur YouTube. On appelle ça J, je crois, mais j'en suis pas sûr. On appelle aussi ça les fans de Metroid Prime 4, mais bref. Globalement, ils théorisent. Il théorise que l'extension arriverait dans 3-4 ans, peut-être 5. Mais en gros, c'est un jeu qui veut pas crever et qui a un lore de FDP, globalement. Là où je trouve que le jeu est vraiment cool, c'est qu'il y a cet aspect MMO, tout en gardant ce côté tu peux le faire en solo. Tout le contenu des deux premières extensions en solo depuis un an et demi, il me semble. Et gratuitement. Ou 2 ans. Et gratuitement, puisque. Jusqu'au niveau 60. Jusqu'au niveau 60, qui est les vrais fans me contrediront, me diront t'as raison, mais si je dis pas de bêtises, donc Heavensward, c'est la deuxième extension d'FF14, et c'est à peu près, en gros, le niveau 60, c'est. La moitié, peut-être le premier, peut-être plus le premier tiers, mais bien avancé de la deuxième extension. Ça, c'est ma question. C'est du coup, est-ce que si t'es très très fort, du coup, tu peux faire plus de contenu? Parce que c'est ça. C'est si genre t'arrives à rouler sur les zones niveau 70 en étant niveau 50, tu peux continuer à jouer du coup. Par contre, faut savoir un truc, il y a un système de leveling qui est quand même pas trop mal, c'est-à-dire que si t'es niveau 1, que tu vas dans une zone niveau 50 avec des potes, tu gagneras 0 d'XP. Pour éviter que justement, parce que quand même, bon, chez Square Enix, ils sont pas complètement teubés, ils se sont dit, oui, mais ok, là, le mec level 60, il peut jouer avec des level 120 et tout, c'est rigolo. Mais du coup, il peut avoir accès au contenu de Endwalker, etc., en ayant juste la version gratuite. Sauf que non. Parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a des storylines, et ouais, surtout la dernière quête. En fait, le jeu fonctionne par quête d'histoire. En gros, t'as à peu près pour un level, par exemple au level là actuellement je suis au level 30. Au level 30, t'as pas une seule quête d'histoire niveau 30, une quête d'histoire niveau 31. T'as plusieurs quêtes d'histoire niveau 30, plusieurs quêtes d'histoire niveau 31. Et globalement, tous les 10 levels, t'as un gros boss. Voilà. D'accord. Globalement, ça se passe comme ça. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec une personne dans Trace, mais l'épisode ne sortira jamais. Puisque c'était le tout premier, c'était le pilote. Et elle m'avait dit que... Enfin, moi, j'avais été assez... C'était un grand fan de FF14. Et moi, ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est qu'il me disait « Tu peux jouer en multi au jeu, il n'y a aucun souci. Mais il y a un contenu solo... » Il y a une histoire qui est absolument incroyable. Et je trouve que pour un MMO, alors après c'est peut-être parce que je suis pas familier avec le monde du MMO, c'est absolument incroyable. WoW typiquement, je crois que pour le coup ça a été fait très récemment dans WoW, les gros fans de WoW me corrigeront, parce que pour le coup c'est pas un sujet avec lequel ils existent encore Alors, déjà, oui, est-ce qu'ils existent encore ? Bonne question. Mais les fans de WoW, manifestez-vous. Voilà. Pouvoir faire le contenu d'FF14 en solo, en tout cas tous les donjons d'histoire, parce que t'as d'autres donjons qui ont été rajoutés dans les extensions, etc., qui eux sont des donjons secondaires que tu ne peux faire qu'avec des gens. Par contre, j'en profite pour caler un message, la commu d'FF14, vous êtes adorables, vous êtes très gentils avec les nouveaux. Joues avec Varazan, ça. Non, j'ai fait un donjon il y a pas longtemps avec. J'ai fait plusieurs fois le même donjon pour level up avec des gens complètement random et les gens étaient adorables. Donc, soit j'ai Une bonne pioche. Oui, apparemment, ils t'attendent, genre typiquement quand tu finis un boss et tout, avant de prendre le loot, ils laissent les gens qui font le boss pour la première fois suivre le scénar. Suivre un petit peu, ça c'est vraiment cool. Ça change vraiment de Anthem. Alors, j'ai pas joué à Anthem, mais apparemment, c'est ce qui se produit souvent. C'est qu'en fait, les gens qui ont fait 10 fois la mission, ils tracent. Et du coup, bah, les gens qui veulent juste suivre l'histoire de la mission, ils se retrouvent comme des cons derrière. Et bah, si c'est pas le cas dans FF14, c'est très très plaisant pour eux. Et on me corrige en MP Discord en disant que t'as pas accès aux zones si t'as pas l'extension, c'est hard cap, faut acheter l'extension. Voilà. Ah d'accord, ok. Vous direz merci à ma chérie qui est venue me voir en MP. Et qu'elle vienne sur le stream. Si elle... Mais elle est dessus. Elle est dessus. Bah parfait. Bon, la salue du coup. C'est qui dans le chat là Elle ne parle pas dans le chat actuellement. Ça c'est tout ce que je peux te dire. Elle ne parle pas dans le chat, elle ne fait que faut nous écouter. Parler dans le chat, mademoiselle. Là. C'est un truc qui est très très cool, c'est que du coup t'as vraiment un très très gros contenu solo et une histoire. Alors au début l'histoire malheureusement c'est assez repoussant, c'est beaucoup de quêtes FedEx, genre au début on te vend en mode tu es le gardien de la lumière, tu es le héros de la lumière, tu vas sauver le monde, tu es le gardien du cristal, et en fait c'est va donner des cookies à des gamins SDF. Ah ouais, c'est pas une blague, c'est une vraie quête. C'est Nier Automata. C'est une vraie quête d'histoire, le va donner des cookies à des gamins SDF. Je suis désolé, c'est Nier Automata. Alors pour coup, il y a un truc moi que j'avais trouvé incroyable et que m'avait décrit, je sais plus si c'est Poupoupou ou Varazan qui m'en a parlé en premier. Mais c'est le côté où apparemment en fait les joueurs le premier jeu était tellement pas ouf, enfin la première version de FF14 était tellement une catastrophe que du coup pour compenser un peu ça ils étaient en mode bon ok du coup on refait le jeu dans tous les trucs mais les gens qui ont joué à la première version et bah du coup oui ils sont canons et en fait c'est des héros de je sais plus trop quoi, c'est des héros du, alors je crois que c'est alors j'ai plus le nom exact, ils viendront me corriger en commentaire etc ou dans le live s'il y en a sur beaucoup le live de correction quand même à apporter. Ah mais c'est comme j'ai dit, moi j'ai pas du tout vraiment on pas est sur Twitch, on n'est pas dans Trace. C'est vrai. Pas faire des recherches non plus. Globalement, c'est des héros du passé qui étaient dans une bataille Je crois que c'est pas la bataille de la cinématique d'intro, mais c'est une bataille qui est parlée dans le jeu à partir du niveau 25 à peu près au niveau 20, quelque chose comme ça. Et ça c'est une idée incroyable. Et c'est une idée de génie et c'est super bien introduit. On pourrait penser que c'est un peu fait à la va-vite et tout. Non, vraiment pour le coup c'est super clean, super propre. Et si tu le sais pas en fait que les anciens joueurs et tout sont canon dans le jeu, en fait tu te dis juste bah c'est un élément de lore et ok, tu vois, t'acceptes. Et c'est une idée de fou parce que il y a tellement de gens qui ont critiqué le côté, je crois que même dans Papy Grenier c'est critiqué le côté dans WoW. Où t'as tout le monde qui est le héros de la légende et qui va sauver le monde, que le fait de dire « Ah bah justement, en fait, on va prendre ça au pied de la lettre et les joueurs qui ont fait un achievement dans le jeu ou qui ont joué en premier du coup, bah ils, dans le lore ils sont introduits et c'est cohérent dans le lore qu'il y en ait plein etc. et qu'ils aient mené une bataille tous ensemble, bah ça permet vraiment de dire « Ok, le multi ne casse pas le jeu, tu vois ». Le multi ne casse pas le lore, et ça c'est hyper plaisant quoi. Et alors juste l'un des gros points positifs du jeu, c'est que alors ça se découvre un tout petit peu tard, mais l'entièreté des cinématiques d'histoire sont doublées en français. Par exemple, on peut retrouver le premier rôle d'Adeline Chetai. Ouais. qui a été alors j'ai plus son nom, je crois que c'est Nanamo il me semble. Comment ça le premier rôle? C'est l'un de ses premiers rôles dans le monde du jeu vidéo. Sérieux? Ouais, c'est l'un de ses tout premiers rôles dans le monde du jeu vidéo. Alors évidemment quand il joue en 2022 t'es en mode pourquoi il y a Zelda dans mon jeu, mais en fait non voilà. Et donc non, elle n'a pas fait Zelda que Zelda. The Last of Us. Mais voilà. Non, elle a fait plein de trucs, Aldin Cheta, y a pas fait. Elle a fait plein plein de trucs. Elle a fait Ellie. C'est très très plaisant. Alors bon, après c'est un peu, ça fait un peu bizarre de passer parce que en gros souvent quand tu passes d'une cinématique histoire à une cinématique moins histoire entre guillemets, ça fait vraiment, t'as du dialogue fondu au noir, d'un coup t'entends les gens, donc ouais. C'est un peu bizarre. Ça c'est très bizarre, ouais. Mais ça c'est un truc qu'il y a dans beaucoup de jeux. Beaucoup mais de voilà jeux quoi. Où genre il n'y a pas ce micro-effort de juste doubler certains dialogues. Tu vois, dans Persona 5, typiquement, il y a ce problème où quasiment tous les dialogues sont doublés. Il y en a juste 3-4 qui sont pas doublés, ouais, de PNJ random. C'est... Et du coup, tu te dis, bah mince, il vous restait genre 20 dialogues à doubler. C'est dommage de ne pas les avoir doublés. Quoi. Ouais, ça c'est toujours problématique, effectivement. Il y a ce côté un peu dans FF7 Remake aussi, où il y a 2-3 dialogues, mais ils sont vraiment très rares dans FF7 Remake. Le pire, c'est quand ils utilisent les mêmes voix pour des personnages différents, mais qui sont des personnages random, parce que ça peut arriver. Ça, c'est pas trop dérangeant, parce que c'est un truc, même dans les films ou même dans les dessins animés, genre dans les Simpsons, t'as certains comédiens qui font 10-15 persos différents, tu vois, donc... Moi, ça me choque pas comme processus. Après, sur FF, malheureusement, il y a... C'est ta porte d'entrée, FF14, à l'univers ? Pour le coup, oui. Enfin, alors oui et non, parce que j'ai acheté FF7 Remake, mais que j'ai quasiment pas joué. Incroyable, je recommande chaudement. Et il faut que je le fasse, mais j'ai trop la flemme de brancher la PS4 juste pour jouer à ce putain de jeu de merde. Même si j'ai répliquant à faire dessus. Il est sur PC, hein. Oui, mais je l'ai acheté sur PS4. J'ai trop la flemme de brancher le PC. tu peux même faire comme moi, c'est-à-dire que tu joues en remote play, du coup tu joues sur ton PC au jeu PS4. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment, enfin c'est la grosse porte d'entrée que j'ai eue à l'univers de FF. L'un des points noirs du jeu, c'est que même jusqu'au niveau 20. Et ça prend quand même du temps, hein. ça se fait un peu lentement, ça prend pas 48 heures non plus, ça prend peut-être une petite journée ou 2-3 jours, enfin ou 2 jours grand max, mais si vraiment tu joues de façon assez occasionnelle, oh l'histoire, mais on se fait chier au début. C'est dommage parce que, comme j'ai dit, en fait, c'est genre tu es le héros. En fait, t'as une cinématique au début où on te dit tu es le héros de la lumière. Après, t'as genre un truc à la Skyrim et tu sais, oh, you're finally awake, t'es dans une carriole et tout. T'es transporté à ta première ville qui est soit Ulda, soit Gridania, soit. Limsa Lominsa. De la classe que t'as pris. Merci. En fonction de la classe que t'as pris et du perso que t'as choisi. Et c'est un point dont je reviendrai après qui est un gros point positif, bref. Mais honnêtement, le début de l'histoire est franchement pas très passionnant. Les quêtes d'histoire jusqu'au niveau 20, c'est grosso merdo. Oh non, il y a des bandits, ils ont volé ça. Oh, vas-y, va les tabasser. Oh non, en fait le bandit, il y avait un chef. Oh là là. Tu es le héros de la lumière. Après, arrête de plaindre. Ça c'est un truc de JRPG en général. C'est un truc de JRPG assez classique. Et pour le coup, je pense pas que ça soit le côté MMO qui fasse ça. C'est un peu dommage que du coup tu sais, on te vend en fait dans la première cinématique, on te vend vraiment un truc de très très lourd et très très ouf. Et les fans de FF, vous êtes casse-couilles parce que vous vendez en plus le truc comme des connards en mode tu verras, le jeu, il est trop bien et tout, l'histoire, elle est incroyable. Mais pendant les 10 premières heures de votre jeu de merde, on se fait chier. J'ai envie de te dire que peut-être dans 6 mois tu deviendras une de ces connasses à vendre le jeu à tout le monde. Mais c'est très probable. Et là je suis déjà un peu en train de le faire. On pourra te dire CSC quoi. Voilà. Mais voilà, en fait c'est FF14, c'est malheureusement l'un des jeux qui subit le, je pense peut-être l'un des plus forts. Tu verras le jeu, l'anime il devient sympa au bout de la 15e saison. Tu verras le jeu, il devient sympa au bout de la 2e extension. Dis une fan de Ruby quand même. C'est vraiment très risqué de faire ce genre de take. Mais non, parce que Ruby, ça devient jamais vraiment très bien. Mais ça deviendra moyen d'ici à peu près. C'est ça. Là c'est nul, mais promis après c'est un peu mieux. C'est ça. Non, par contre, truc qui est vraiment très très bien dans FF14, c'est quand t'as un, même si t'es sur la version d'essai. Ton perso, tu peux le level up jusqu'au level 60, mais tu as accès. Alors, t'as pas accès à toutes les. Alors, il y a différentes classes qui en fait s'appellent un peu des jobs, grosso merdo. Donc, t'as mage blanc, mage noir, invocateur, guerrier, vous avez compris quoi. Et tu peux, si tu veux, monter toutes ces classes level 60 avant de passer à la version payante. Alors c'est si tu veux, donc c'est un peu long, etc. Mais rien ne t'empêche de tester toutes les classes. C'est pas genre t'as choisi ta classe, si tu veux changer de classe comme dans WoW, tu dois changer de perso. Et ça c'est un truc qui est cool parce que typiquement moi ma première classe je me suis fait un peu chier. J'avais occultiste, donc mage noir, qui est une classe de DPS, mais qui est un peu, moi j'ai pas trouvé ça très passionnant. Et invocateur m'avait l'air un peu mieux. Du coup, c'est à partir du niveau 15, je crois, que tu peux switcher de classe. Donc, en gros, en 10 heures de jeu, grand max. Voilà. Donc, c'est un peu chiant au début, mais voilà. Dès que t'as accès aux autres villes, en fait, tu peux rejoindre une autre guilde de classe et changer ta classe quand tu veux. Et c'est vraiment un des gros points positifs parce que au moins, si t'as de la variété de gameplay, t'as de la rejouabilité. Et même pour une personne qui est sur les versions pas payantes, ça te permet vraiment de jouer à mort au jeu et si tu veux farmer, tu peux. Ah, c'est Est-ce ça, que... le modèle de... Désolé, Netchiku, mais je trouve que le modèle de financement du jeu est très très efficace et du coup a l'air d'être très productif, ce côté où c'est un free-to-play, mais c'est pas un free-to-play qui te frustre en mode « Non mais regarde, si tu avais la version payante, tu pourrais gagner 3 fois plus d'XP et tu aurais tes diamants qui se reset pour pouvoir Dark Vador C'est même limite mieux de commencer sur la version gratuite, parce que sur la version gratuite, t'as un serveur qui est dédié à ça, en fait, qui s'appelle... Alors actuellement, je crois que c'est Fantôme. Enfin, moi, je suis sur Fantôme, mais souvent, c'est le serveur conseillé pour les nouveaux joueurs, qui, jusqu'au niveau 60 ou 80, j'ai un doute, offre 80% d'XP en plus. Donc, n'importe quoi. Hein. Donc, forcer à payer plus vite. Alors, un peu, secrètement, oui. Vas-tu craquer ? Vas-tu acheter le jeu ? Alors, je pense. Acheter, c'est un abonnement. C'est un abonnement. Oui, voilà. L'abonnement, effectivement. Le problème, c'est que c'est un abonnement. Ça, c'est un système. C'est un système que, pour les MMO. C'est un des systèmes les plus lucratifs, donc ça se comprend, mais ça me fait chier. C'est un des plus adaptés aussi, je trouve. Mais globalement, on m'a dit que je crois que un an, c'est à peu près 115 euros, 120 euros, quelque chose comme ça. C'était à peu près 10 euros par mois. C'est 10 euros par mois, donc c'est un calcul vite fait. Voilà. Alors par contre, le gros problème, c'est que comme c'est un MMO, à la sortie de chaque patch ou de chaque extension, les serveurs sont blindés, donc tu mets 20 ans à essayer de rejoindre. On se rappelle de la sortie de Endwalker où Varazan a attendu 1h30 pour jouer 15 minutes. Oh, j'étais avec lui, j'étais désolé pour lui. Et quand ton jeu ne plante pas. Voilà, bon, c'est après c'est les points positifs et les points négatifs. Si tu joues en heure creuse, si tu joues en période creuse, là actuellement c'est un peu c'était un peu une période creuse entre décembre et là depuis le dernier patch. Globalement ça allait, genre tu mets 5 minutes à te connecter, c'est vraiment rapide. À la sortie d'une grosse mise à jour ou d'une grosse extension, vous allez pas jouer. Vous allez pas jouer avant une petite heure. Voilà. Globalement, ce que j'ai à dire sur FF14, on m'aura bien fait chier. Une trentaine de minutes. Je vais parler très rapidement du coup de deux derniers jeux. Non. Si tu veux, Jem. Non, mais je me suis dit, d'accord. Pourquoi, si tu veux, je pense qu'on discute parler, encore une trentaine de minutes pour situer juste les gens du live. Voilà, je pense qu'on va durer jusqu'à 18h et après on va vous laisser. Si tu veux, si tu peux prendre la parole. Mais du coup, moi je vais revenir sur Xenoblade Chronicles, un peu sur Elden Ring que j'ai commencé, mais je vais d'abord parler de Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles, je lui ai redonné sa chance, et je ne l'ai pas regretté parce que c'était vraiment un très très très très bon RPG, vraiment. Mais moi ce qui m'a surtout bluffé, c'est que, wesh, c'est un jeu sur Wii à la base. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Le jeu... Le motion gaming, là. Le jeu est juste incroyable pour un jeu sur la Wii. Déjà qu'il est incroyable sur la Switch, mais sur la Wii, c'est... Enfin, il est fort. Les décors sont gigantesques. Il y a énormément de contenu. C'est un jeu qui est d'une générosité fantastique. Et tu te demandes comment ce jeu a pu tourner à un moment donné sur Wii. Quoi. Et je crois qu'il tournait pas très bien, honnêtement. Et donc, Xenoblade Chronicles, ça raconte quoi? Bah, ça raconte l'histoire de Bayonis et de Mekonis qui se sont battus, mais qui après ont décidé de faire une trêve. L'un ayant une épée plantée dans le corps, l'autre ayant une épée, je crois, plantée à moitié dans la tête, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est dans la tête. Et du coup, vous incarnez Shulk, qui habite sur Bayonis, voilà, mec de Smash Bros. Qui a une épée un peu étrange qui s'appelle la Monado, il sait pas très bien comment ça fonctionne. Et il va se passer un drame, à savoir que les Mekons qui viennent de Mekonis vont envahir Bayonis. Et de là c'est parti pour une grosse aventure d'environ 45 heures. Moi c'est à peu près le temps que j'ai mis. Ouais, il est assez long. Et encore, j'ai pas fait une très très grande partie des quêtes annexes, encore une fois. Ouais, ouais, bah c'est ce qu'on disait que... Le premier problème des quêtes annexes, c'est que ce sont souvent des quêtes FedEx. Pas très très intéressantes, ouais. Je trouve. Néanmoins, il y a une vraie bonne mise en scène, il y a des vrais bons personnages. Vraiment, on s'attache au cast, hein. Moi, je trouvais que les personnages étaient quasiment tous intéressants du cast principal. Peut-être que celui que j'ai le moins apprécié, c'est l'espèce de... Comment il s'appelle déjà, l'autre idiot là, qui saute partout là. Ricky. Voilà, Zébulon. Zébulon. Non, Ricky, que j'ai trouvé pas extraordinaire. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais il y a une cinématique dans le jeu. Ça montre que Ricky, c'est un perso hyper important. » Alors, déjà, il y a une cinématique, et la cinématique, elle dure juste 20 secondes. Là où je pense qu'il y a des personnages qui sont plus intéressants à être développés. Genre Melia par exemple, qui je pense est peut-être le personnage le plus intéressant avec Shulk que du lot. Et puis la fin est vraiment vraiment vraiment très cool. Il y a des bonnes révélations. Il y a une révélation que tu vois, enfin que j'ai vu très très vite venir, qui intervient à peu près mid-game. Et après la fin c'est un enchaînement de révélations. Et il y en a certaines qui étaient assez bien foutues, certaines que j'avais pas vraiment venu venir. Et puis, quand j'ai fini le jeu, j'avais un sentiment de me dire j'ai bien apprécié, mine de rien, ces lieux, ces personnages et tout. Et j'avais envie d'y revenir. Donc du coup, j'ai acheté Xenoblade Chronicles 2. Et moi, j'aime beaucoup. Et j'ai pas fait le 2, du coup. Il est bien, mais j'ai jamais réussi à le finir parce que c'est trop long. Et, le 3, je l'ai acheté plus tôt dans l'année. Mais Xenoblade Chronicles Definitive Edition, c'était vraiment un très bon jeu, il est très très bien réalisé, les musiques sont excellentes. Voilà, bon, Yasunori Mitsuda, hein, ça aide aussi à avoir des bonnes chansons, enfin des bonnes musiques. La musique de fin est vraiment très cool aussi. Après, au niveau des choses que j'ai pas aimées, les quêtes annexes, qui étaient pas très intéressantes. Il y a des fois où le jeu tire quand même pas mal en longueur, et le système de combat faut s'y faire, et sincèrement... Il y a des fois où le système de combat, il est. Je pense qu'il y a des fois où les gens vont pas spécialement apprécier le système de combat, qui est à la fois du temps réel et le fait que tu choisisses tes actions aussi via ton personnage. Le truc qui me fait peur, c'est la chute. J'espère qu'il t'insulte pas le système de combat quand même. Pourquoi? Tu t'as dit le système de combat vocifère. Vocifère? Ah non, j'ai dit ça. Vocifère? Non, t'as dit faucifère, mais aurait dit vocifère. D'accord, ok. Mais voilà. Et puis il y a un autre point que j'ai pas aimé, mais du coup, Jem, il m'a perdu. Donc du coup, je sais plus ce que je veux dire. Merci. C'était le but, bien sûr. Évidemment. Alors que The Way Chronicles Definitive Edition, c'est vraiment un très très bon jeu. Je vous invite vraiment à découvrir le RPG. Je comprends pourquoi c'est considéré comme l'un des meilleurs RPG de ces 10 dernières années. Est-ce qu'il mérite ça, selon moi, ça, son, le fait qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs de ces 10 dernières années, ah, plutôt des 12 puisque c'était en 2010 qu'il est sorti. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais il a toutes les qualités pour, en tout cas, ça c'est une certitude. Ah si, le jeu, je l'ai trouvé assez difficile. Même en facile. J'ai joué en facile, parce que je sais que le jeu en normal est, est vraiment dur. Et le jeu en facile, j'ai vraiment galéré pour pouvoir le faire, parce qu'il y a... Disons qu'en fonction de l'équipe que tu choisis, tu passes plus ou moins un mauvais quart d'heure. Voilà. Et autant il y a des équipes qui sont vraiment craquées, autant il y a des équipes qui ne le sont pas du tout. Comment ça tu choisis ton équipe ? Bah, en fait, une fois que tu as déverrouillé un personnage, tu peux constituer ton équipe comme tu veux. C'est-à-dire que tu as trois personnages qui sont sur le champ de bataille. Et tu peux choisir parmi ces trois personnages lesquels vont t'accompagner sur. Et vous, vous XP pas toute votre équipe ? Alors, l'XP, en fait, elle se fait justement totalement pour l'intégralité des personnages. C'est-à-dire que si, par exemple... C'est bien, ça. D'accord, bah, tu peux alterner entre les persos en fonction de ce qui est mieux, du coup. Ouais, tu peux alterner, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... il y a des arts, puisqu'ils appellent ça des arts dans le jeu, qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, et donc t'as des personnages qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Par exemple, il y a un personnage qui tire à distance, pas trouvé très efficace, il y a un personnage qui arrête le temps, qui est très efficace... Et il y en a un qui a carrément une compétence, on le voit pas à l'image, mais en gros t'as une espèce de jauge de mana qui doit se remplir au fur et à mesure des attaques, qui te permet en fait de déclencher une espèce de super attaque, un peu la all-out attaque de Persona 5, qui fait en sorte que tous les persos de ton équipe enchaînent, mais faut que t'attendes que cette jauge se remplisse. Et ce personnage permet de remplir super vite la jauge, donc tu peux enchaîner les combos et tu peux désosser tes adversaires, quoi. Et ça, c'est vraiment l'attaque la plus dévastatrice. Ça a l'air profond comme gameplay quand même. Ouais, c'est vraiment. Mais le jeu est très généreux. Il y a un système aussi. J'ai envie de dire, ça a l'air presque bordélique. Ça l'est un peu. Il y a aussi un système de trucs à fabriquer, d'espèces de gemmes qui te permettent de récupérer des talents passifs sur tes armes et tes armures. Tu as des ennemis que tu dois déstabiliser d'une certaine façon, sinon tu peux pas les attaquer. Les mécones, par exemple, faut que tu les fasses trébucher avant justement de pouvoir les attaquer. Ou au contraire, il faut que tu utilises un art de Monado qui te permet de faire en sorte que les autres alliés de ton équipe puissent faire des dégâts aux mécones, parce que sinon ils en feront pas. Donc c'est important d'avoir Shulk au départ dans ton équipe qui permet justement d'avoir cet art pour... T'es pas obligé de jouer avec Shulk. T'es pas obligé de jouer avec Shulk. Ah, c'est absolument bien, pas. Ah. Mais si t'as pas Shulk dans ton équipe quand t'affrontes des mécones, bah t'es un peu dans la merde, quoi. Oui, globalement. Donc, c'est pour ça que oui, perso, okay. Moi je l'avais toujours dans mon équipe, qu'importe l'équipe que j'avais. Et après tu fais changer tes persos en fonction. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'XP... Lorsque tu bats des ennemis sur la carte, l'XP va à toute ton équipe. Donc t'as très peu finalement de différence de niveau entre les personnages, ce qui est quand même une très bonne chose, hein, parce que bon, moi je me souviens de RPG, j'avais des persos niveau 70 et d'autres des persos niveau 38. voilà mais quoi. Ça, hein, c'est... Moi, ça jamais je suis trop. Je suis trop rigide pour ça. Moi ça m'arrive beaucoup. Hein. Persona 4. Vraiment... Systématiquement, tous mes persos sont à peu près du même level. Persona 4, moi j'avais vraiment un perso niveau 30 et un perso niveau 70, quoi. Donc, moi c'est vraiment ça me. Je suis en mode c'est terrible. Mais ça doit être mon côté un peu psychorigine. Alors après, pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas fait le DLC de la Definitive Edition qui est inclus dans le jeu, hein, n'est pas payante ni rien, qui s'appelle Future Connection. Je l'ai pas fait, par contre elle dure apparemment très longtemps, elle dure apparemment une vingtaine d'heures d'après ce que j'ai compris, ce qui est énorme pour une extension, et qui permet de tracer une partie, une autre petite partie avec Melia et Ricky ainsi que Shulk. Donc voilà, c'est un petit contenu supplémentaire qui apparemment apporte quelque chose de plutôt cool, et qui est pas obligé d'être fait à la fin du jeu, vous pouvez le faire quand vous voulez, ce qui est pareil, assez original. Mmh. Même si je pense qu'il faut quand même quelques clés de compréhension pour, vraiment apprécier le DLC. C'est pas vraiment un préquel, puisque Melia et Ricky, tu les trouves assez tardivement dans l'aventure. Donc je sais pas trop où ça s'insère honnêtement. Et sans spoiler, je pense que ça s'insère pas à la fin du jeu. Je peux pas dire pourquoi, mais je ils pense ont que. Morts, bien sûr. Je sais pas, j'ai pas fait le jeu. Il faut jouer au jeu. Mais la fin est très cool. La fin est vraiment très cool et justifie, je pense, une éventuelle suite qu'il y a eu par la suite en 2017. Assez facilement d'ailleurs. Ce système passif-agressif m'a pas mal perturbé. Oui, c'est vrai que le système des Xenoblade est assez étrange. Faut s'y habituer, hein. C'est un peu le côté semi-automatique. Mais en même temps, de temps en temps, tu dois penser à remettre un art. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu pareil dans FF7 Remake où ah c'est non, un vraiment peu du... pas. Vraiment pas ? Vraiment pas. Parce que ça avait l'air d'être du... Enfin, c'est pas du action RPG, mais genre c'est du... C'est du pas tour par tour, mais il y a un peu d'éléments tour par tour. En fait, FF7 Remake, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas bourriner à coup d'épée ou quoi, pour charger ta barre d'art, et ensuite, bah, tu vas placer des... Tu vas... C'est pas des arts, je sais plus comment c'est. C'est limit break. Non, c'est des habiletés, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, par exemple, si tu veux faire un brasier, bah, par exemple, tu dois taper un certain nombre de coups. Ok, si, je me souviens. Ça charge ta jauge, et ensuite, tu fais un brasier. Ouais. Moi je trouve que c'est un système qui est très très bon. Ça peut faire bizarre au début de devoir mettre, c'est parce que c'est une semi-pause en fait, ça ralentit le temps que tu lances ton art en fait, et je trouve que ça marche très très bien dans FF7 Remake. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur Xenoblade, et je pense que j'aurai pas le temps de parler de Elden Ring, faudra revenir dans le prochain live, donc je vais laisser la parole à mon camarade Jem pour terminer. Mais sinon, voilà, Xenoblade Chronicles était... Je vais pas terminer, je vais laisser parler de JJ quand même. Xenoblade Chronicles était très Tu vas peut-être pouvoir terminer, parce que le jeu dont je vais parler est très court. Je vais parler un petit peu d'Omori, alors sans spoiler, parce que j'ai commencé le jeu littéralement hier. Donc j'ai joué... Je suis en dépression, voilà. Alors ça c'est une chose, mais... non, Omori, je vais vous mettre un peu de gameplay quand même. Omori en gros c'est un jeu donc Omori c'est un jeu grossièrement il s'inclut grossièrement dans la même vibe que les jeux les fameux Los Famosos RPG méta à la Undertale, à la Earthbound, à la One Shot, à la tout ça. Bref, vous avez compris, vous connaissez le principe. Cependant, il ajoute un petit quelque chose, un petit grain de sel, l'horreur psychologique. En gros, de ce que j'ai théorisé du jeu, j'en sais rien, j'ai joué, j'ai eu l'un des gros passages un peu importants du jeu, là, il y a quelques heures. En gros, c'est un jeu qui se base sur 4 grandes peurs. En gros, notre personnage a 4 grandes peurs, ou 3. La peur des hauteurs, la peur des araignées, la peur de se noyer. Va falloir un peu de façon... mi-métaphorique, mi-cauchemardesque, ancré dans le réel, surpasser ces peurs-là. Avec un côté aspect très mignon, là où on peut le voir, où on est dans un espèce de monde où notre perso est en noir et blanc, les autres sont en couleur. Ça ressemble pas mal à Earthbound. Ouais, beaucoup. Qui représente grosso modo, alors je sais pas vraiment si c'est ça, mais c'est ce que j'ai théorisé avec ma copine, puisque je fais pas le jeu toute seule, parce que je suis une flippette. C'est grosso modo les rêves ou les cauchemars, on sait pas trop, d'Omori, qui est le nom du personnage principal en noir et blanc ici. Fait une super blague dans le chat par rapport à ça. Et les autoropleurs, oui, effectivement. En gros, c'est un jeu qui, pour le coup, se rapproche énormément, je trouve, de Earthbound, ne serait-ce que dans sa direction artistique, notamment lors des combats. J'aimerais bien vous trouver un combat pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, grosso modo, un combat, ça ressemble à ça, dans Omori. Alors ça a l'air un peu d'être bordélique. Ouais, c'est Undertale en fait. Ça ressemble beaucoup plus à Earthbound, en tout cas au niveau du style graphique. Et là, bah, je vais mettre juste pause vite fait sur un des éléments principaux du système de combat. Ici, vous pouvez voir en bas à droite, le personnage qui s'appelle Kel a trois petites bulles, Pass to Hero, Pass to Aubrey et Pass to Omori. Et en gros, chaque perso peut effectuer une follow-up avec un des trois autres personnages. Ayant un effet différent, ayant des buffs et des debuffs différents. Le système de combat joue aussi beaucoup sur les émotions. Les personnages ont trois émotions majeures, enfin quatre, mais trois en plus. Il y a donc neutre qui ne fait rien. Et ça fonctionne un peu comme dans Fire Emblem avec lance, hache et épée. Sauf que là, c'est tristesse, colère et joie. Donc joie est plus fort sur colère, qui est plus fort sur tristesse, qui est plus fort sur joie. Et chaque émotion octroie des buffs et des debuffs. Par exemple, quand vous êtes énervé, vous tapez plus fort, mais vous prenez plus cher. Quand vous êtes triste, vous prenez moins de dégâts, mais quand vous prenez des coups, vous perdez. Il y a une petite goutte d'eau en dessous de chaque perso, c'est ce qu'on appelle du jus, c'est en gros les points de mana, quoi. Et la tristesse, vous avez plus de chances de faire des coups critiques et vous tapez plus vite, parce qu'il y a un système de speed. Un système de combat très complet. En bas, il y a une petite barre que vous pouvez voir avec 0,4. Chaque fois qu'un ennemi vous inflige un point, un coup à un de vos persos, elle incrémente de 1. À 10, Omori peut effectuer une all-out attack. C'est littéralement ça. Genre, c'est tout le monde agresse les ennemis. C'est un jeu qui, pour le coup, a un système de combat que j'adore. Vraiment, je le trouve super cool, super fun. Même si, franchement, il y a des passages du jeu, ils sont durs, vraiment. Quand tu rentres dans une zone, c'est simple, le premier mob que tu vas rencontrer, s'il est en duo, faut s'accrocher. Et si tu bats ce mob, tous tes persos vont level up. Et c'est même probable que sur les 4-5 premiers combats, tu vas prendre un niveau à chaque mob. Donc, si tu essayes de pas trop XP non plus, genre pas, de pas farmer, parce que sinon le jeu devient vraiment simple. S'il y a une traduction française. Il y a une traduction de fan qui apparemment sortirait lundi, là, dans deux jours, littéralement. Tu as bien fait de poser la question. Mais il me semble qu'il y a une traduction française officielle de Omori, donc par les développeurs, qui n'est pas... Enfin, en tout cas, sur ma version PC, n'est pas disponible. Peut-être qu'elle est dispo sur Switch, ou qu'elle va être disponible sur Switch. Apparemment, d'après l'équipe de fans, elle est pas ouf. Genre, ça ressemble vaguement à du Google Trad, il y a plein de subtilités qui manquent. Voilà, apparemment c'est dommage. Donc, moi j'y ai joué en anglais, parce que je comprends l'anglais globalement assez bien. Et franchement, le jeu, à part 2-3 mots un peu compliqués, ça va. Genre... Grosso modo, ça va. MDR, il y a du... Salut Sevens. Yo Sevens. Par contre, clairement, c'est un jeu qui parle de décès, c'est un jeu qui parle de deuil, c'est un jeu qui parle de dépression, c'est un jeu d'horreur psychologique. Donc, clairement, vous allez avoir des scènes où je vous déconseille d'y jouer la nuit à 2h du matin dans le noir. C'est pas un jeu qui non plus va vous lâcher des screamers toutes les 15 secondes. C'est un jeu qui quand même est genre ça va. Honnêtement, ça va. Il y a j'arrive toujours au moment le plus joyeux. Bah fait venir avant. Voilà. On a parlé de Pokémon, tu as raté Pokémon. Mais malheureusement Sonic la trace française officielle est pas très très bien. Mais voilà, alors c'est un jeu qui possède plusieurs routes. Je me suis pas spoilé, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, il y a un peu trois routes plus une secrète. Un peu comme à ce qu'a pu faire Undertale. Apparemment mieux, je sais pas. Comme je vous ai dit, je me suis imposé une règle, c'est genre... je me suis imposé une règle, mais on l'a très très vite cassée parce qu'on a voulu voir ce qui se passait, mais en fait, c'était pas différent. Tant pis, je fais une route et je vois où ça me mène. Je me suis pas spoilé, donc bah, l'avantage c'est que je connais rien du jeu et je trouve le jeu vraiment très très bien. On m'a dit qu'il était très très bien, mais je trouve qu'il est même au-dessus de ce qu'on m'en a dit. Oui. Et là où Undertale m'avait un peu déçu dans sa première route, enfin même à l'époque, vraiment Omori pour le coup c'est un des jeux. Alors je suis peut-être biaisé parce que j'ai commencé à jouer hier et voilà et j'y joue pas toute seule, il y a plein d'aspects qui font que voilà, j'y joue avec quelqu'un qui connaît pas le jeu non plus, donc je suis pas influencé du tout, même de manière inconsciente, mais ouais c'est un jeu que je trouve vraiment très très bien, qui a énormément d'humour, un humour vraiment très Earthbound mais qui en plus est très très drôle. Typiquement il y a un monstre, c'est un ver de terre dans un trou noir, du coup il s'appelle un wormhole, moi ça m'a fait rire. Dans un trou de ver voilà, le trou de ver. Et du coup c'est un trou de ver, c'est un jeu qui pour le coup vraiment il peut vous faire sourire, il va même parfois vous faire rire. Il y a des blagues, vraiment, elles sont très très cool. C'est un jeu qui a l'air d'être très bien écrit, très soigné, avec une esthétique, notamment autour de tout ce qui est souvenirs et photos, que je trouve vraiment très très joli et très agréable et très très très bien pensé et juste bien en fait, globalement. Seul petit bémol que j'aurais à dire. C'est qu'il y a une des mécaniques du jeu, je ne vais pas trop en parler, mais en gros, il y a un système de pendu dans le jeu, avec des lettres espacées, enfin, un peu cachées partout sur la map. Et des blind tests dans ce jeu. Non, mais en gros, il y a une phrase pendant le jeu à compléter, qui, alors je pense qu'elle sert pour une route, je ne sais pas, je ne me suis pas spoilé. Peut-être. Mais du coup, bah, comme c'est un pendu, vous avez un nombre d'essais limité. Et malheureusement, vous ne savez pas quelles lettres sont les bonnes et quelles lettres sont les mauvaises. Sauf qu'il y a des lettres scénaristiques dans le scénario qui peuvent être des bonnes et des mauvaises. Et il y a des lettres qui sont cachées, qui peuvent être des bonnes et des mauvaises. Sauf que la phrase, elle n'est pas traduite. Ah ouais. Et au vu des mots employés, en tout cas des mots que j'ai pu deviner vite fait avec les quelques lettres que j'ai, c'est pas des mots simples, donc faut bien parler anglais. Et le truc c'est que du coup c'est un pan de gameplay qui est un peu limitant pour les gens qui parlent vraiment pas bien anglais. Je sais pas si quand le pendu est terminé, c'est à dire que t'as tout faux ou tout bon, ça fait quelque chose de vraiment game changer. Je me suis vraiment pas spoilé, j'espère pas, parce que sinon c'est vraiment un point qui serait vraiment négatif du jeu, bah, qui t'obligerait en fait à aller voir une soluce et ce serait dommage. Non mais si c'est un pendu et que t'as des lettres à récupérer, je pense que du coup... Après s'il y a des bonnes et des fausses, c'est vrai que c'est compliqué. Ah, incroyable, merci Sevens pour ton sub. Incroyable. Tu vas payer les pattes en fin de mois. Incroyable. Petite question vite fait pour Jem, t'as rattrapé The Messenger. J'étais censé rattraper The Messengers. Merde. C'est pas grave, Jem, Balti, bien sûr, j'ai rattrapé The Messenger, oui, bien sûr. Reprends la vie de Balti sur Twitter. Non, mais... reprends pas la vie de Balti sur Twitter, il spoil en plus. Non, mais The Messenger, pour le coup, je compte le faire, bien joué, Nidox, je t'avoue que c'est passé tellement de trucs dans ma vie que j'avais totalement oublié ce truc. Mais ouais, faudrait que je fasse The Messenger, en plus, il est court. Non, il n'a pas trouvé ça ouf, effectivement, Yo-Yo Balti, The Messenger. Donc, bah écoute, Nidox, merci. Ça me remotive à faire le jeu, du coup. Même si je crois qu'il est dur et que je suis très mauvais aux jeux vidéo. Donc. Non, il est pas... Non, ça va, ça va. Non, il est... Ça va ? Tu vas un peu galérer, je pense, mais ça Moi, devrait... j'en avais un peu chié, honnêtement. Ça je le fais en peu... ce moment, j'aime bien. Bah écoute, Nidox, merci. Mais il est très bien, moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. J'ai essayé de rejouer à ça, mais c'est vrai que c'est incroyable mon backlog, c'est comme ça. Le backlog, ouais, c'est ça. Il est terrible, donc. Le backlog, c'est le nombre de jeux que tu dois faire. C'est tes jeux de l'armoire. Backlog, ça veut littéralement dire ton armoire de derrière. C'est tous les jeux que tu comptes faire mais que tu fais jamais en fait. Ah putain, oui. Alors oui, d'accord, ok. Si j'en ai beaucoup trop. pas si t'as fini ce moment, parce que je voudrais pas te couper. Bah globalement, j'ai pas, comme j'ai pas fini le jeu, etc. Je peux pas trop parler. Juste, il y a un point que je trouve très intéressant et je vais finir là-dessus. C'est que, comme j'ai dit, il y a le monde des rêves que vous avez pu voir, mais il y a aussi le vrai monde, du coup. Alors, je sais pas où techniquement ça se passe dans la timeline, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent, etc., où on apprend des choses. Et c'est une partie vraiment très spoiler, donc j'aimerais vraiment pas trop vous en parler. Parce que, vraiment, si vous avez pas fait de jeu, foncé, pour l'instant, moi en tout cas, c'est un énorme kiff. Et je suis très content de découvrir ce jeu, même maintenant. Mais c'est une partie vraiment centrale du jeu, on a l'impression que ça va pas l'être, mais en fait ça l'est. Voilà, globalement, Omori, très bonne découverte, très contente de ne pas m'être fait spoiler aussi, parce que je pense que si je m'étais fait spoiler... Ouais, mais je pense que c'est parce que le jeu n'est pas fait par Square Enix, c'est pour ça. Même le rare élément que je me suis fait spoiler à cause de TikTok, parce que c'est un jeu qui est extrêmement populaire dans le TikTok... Dans le TikTok LGBTQIA+, il est vraiment turbo populaire. Donc même l'un des rares éléments que je me suis fait spoiler, il est tellement bien mis en scène que, en fait, j'ai pris une claque. Voilà, Omori très plaisant et très ouais. Et la vidéo est sortie, elle m'a mis une claque. Très très hâte de voir la suite. Du coup voilà, j'ai fini. Voilà. Bah moi écoutez, je vais finir un peu. Bon, on dépassera peut-être de 18h, désolé. Non, t'inquiète. Hein. Je vais finir. Alors. Pas comme si les gens avaient l'habitude. J'ai déjà, je suis Persona fan 1 bien sûr, donc je vais parler très très vite fait de Persona 3, voilà, tu peux mettre... Je vais mettre le let's play de fesses, mais ce sera pas la même chose, mais voilà. Donc, bien sûr, déjà, l'opening de fesses, c'est incroyable. Alors, du coup, moi, j'ai fait The Answer, donc The Answer qui est... Comment dire ? C'est quasiment un... En fait, c'est techniquement le post-game de Persona 3, ça se passe après l'histoire principale. Mais en fait, c'est plus un nouveau jeu parce qu'en fait, ça reprend pas ta save précédente. En fait, ça te remet vers le niveau 20. Ça te remet vers le niveau 20 et du coup, ensuite, ça te redemande de faire un truc. Mon avis global sur le jeu, c'est... Je trouve qu'il y a quand même énormément de combats pour très peu de nouveaux contenus. Ça va être beaucoup de cinématiques. Donc, je considère, si vous aimez pas le système de combat de Persona 3... genre le fait de pas contrôler ses persos, parce que dans FES on contrôle pas ses persos contrairement à Portable, je vous le déconseille parce que c'est beaucoup de combats qui sont très très durs et moi bah, j'aime beaucoup le style de combat de Persona 3, donc ça me dérange pas de faire des combats très très durs et de rager 15 fois pour passer un fight, mais si vous avez déjà du mal sur le jeu de base, The Answer c'est encore plus dur, donc je vous conseille de mater les cinématiques sur YouTube, parce que pour le coup vraiment, là j'arrive en plus à la fin du jeu, il y a vraiment des trucs de fou et c'est même dommage du coup que ça soit pas dans Persona 3 Portable, parce que vraiment ça après, ajoute... peut-être qu'avec le portage ils vont le rajouter. Hein. Peut-être, mais ça ajoute vraiment au lore des persos. Mal parti, ça... le jeu il sort dans 4 jours, tu prends moyen. Mais c'est ça en vrai ça rajoute beaucoup à l'appréciation qu'on se fait des persos. Il y a des persos où vraiment ça leur rajoute un nouveau truc qui était... parce que par rapport à la fin de Persona 3, que je vais pas spoiler encore une fois, mais il se passe des trucs à la fin de Persona 3, et The Answer, il fait référence en mode « Ok, donc qu'est-ce que ça a provoqué sur les différents persos ? Parce qu'il leur est arrivé un truc traumatique de fou, donc comment sur leur psyché ça a influencé, tu vois ? Comment ils arrivent à se reconstruire par rapport à ça ? C'est pas forcément très bon mood, parce que c'est un peu dépressif, etc. Persona 3, globalement, est assez dépressif. Il est beaucoup moins joyeux et genre bon enfant que... Bon enfant que Persona 4 et Persona 5. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'était mon petit mot sur The Answer. Mais le mot que... Le jeu sur lequel j'aimerais beaucoup... Donc, faites The Answer si ça vous intéresse. Mais le jeu auquel je voudrais parler, et ça, c'est dans les Unpopular Opinions aussi, c'est Ace Attorney 4. Ace Attorney 4 qu'on m'avait vendu comme le plus mauvais Ace Attorney. Parfois, on le met derrière le 2, etc. Le 2 est une purge, hein. Vraiment, je déteste ce jeu, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec Ace Attorney 2. Mais Ace Attorney 4, on me l'avait vendu, tu vas voir, c'est un peu chiant, etc. Moi, je trouve qu'il est excellent, vraiment. Oui. Il est pas loin, je pense que c'est pas loin d'être un des meilleurs. Moi, c'est mon Ace Attorney préféré. Ça se joue, mais t'as pas fait que celui-là ? Non, j'ai fait le 1 et le 2. Aussi. Ah, d'accord. Mais du coup, le... moi je trouve que le 1 est toujours très très bien, c'est-à-dire... mais c'est surtout le 1 en fait, il se suffit à lui-même. Le 3, évidemment, excellent. Le 2, moi je trouve vraiment que c'est... Le 2 est chiant. Le 2 est chiant. Très très mauvais. Le 2 Par est chiant. Contre, le 4, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Je trouve qu'il reprend ce côté du 1 où t'as un début, un milieu et une fin au jeu. Mmh. Le 4, mmh. c'est quasiment un jeu qui suffit à lui-même. Bah, j'aurais même pas dit quasiment. Ah ouais, mais après, il y a un peu cet Ennis 5 qui me met. Voilà. Il y a une suite. Mais oui. Non, mais moi, voilà. Mon gros problème, c'est que du coup, la suite, elle revient sur tout ce que le 4 avait posé. Notamment le fait que, bon, ça, c'est le début du jeu, donc je vous spoil rien. Dans le 4, Phoenix a arrêté d'être avocat. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le passage de flambeau à Apollo. Apollo que je préfère à Phoenix. Parce que Apollo, je trouve que Phoenix, vraiment, notamment dans le 1, il est vraiment juste méchant, notamment envers Maya, c'est vraiment juste un connard. Tandis que Apollo, t'as un peu le côté où il a ce côté un peu blasé, etc., avec vérité, mais tu sens qu'ils ont une complicité que, des fois, avec Maya, tu sens un peu moins avec Phoenix. Mmh. Forcément parce qu'ils ont le bagage de trois jeux d'écriture derrière. Et donc globalement, moi, j'ai trouvé vraiment le 4, les dynamiques entre les persos, et pareil, le personnage de Phoenix dans le 4, il est incroyable, vraiment. Il est particulièrement délicieux. C'est ça, ce côté où c'est quelqu'un qui a genre eu une vie de merde et tu le sens, mais en même temps il est désabusé, en même temps il fait un peu mentor, tu vois. Mmh. Tu comprends que il s'en fout un peu de tout, mais en même temps c'est lui un peu qui tire les ficelles dans le fond. Je trouve que c'est vraiment une idée de perso ouf. Et du coup, bah, dans le 5, j'étais déçu de revoir que Phoenix, il était redevenu avocat, et voilà, il refait des affaires, etc. C'est pas ce que le 4 laissait entendre. Le 4, il laissait vraiment entendre un passage de flambeau à Apollo. Et je pense que vu que le 4 a pas trop aimé, ils ont un peu rétro-pédalé. Et bah, c'est un côté un peu dommage que je trouve au 5. Je trouve que bah, c'est pour ça, je pense qu'il y a une si grosse pause entre le... Parce qu'il y a une sacrée pause entre le 4 et le 5. Il y a une pause de 3 ans, non ? Même un peu plus, je pense. Hein. Parce qu'ils changent de console et je sais, faudrait vérifier les dates, mais il me semble qu'il y a une pause assez longue quand même. Mais du coup, voilà, c'est vraiment. Moi, je trouve que le 4, il est pas parfait, évidemment, mais moi, je trouve vraiment qu'il est vraiment. C'est un très très bon jeu. Il suffit. Vraiment, c'est bien d'avoir un jeu qui suffit à lui-même, en fait. Par contre, je trouve que la mécanique d'Apollo, sans trop en dire sur ce que c'est. Je trouve que la mécanique d'Apollo, elle a l'air hyper intéressante, mais parfois, elle est vraiment un peu... Ouais, c'est un peu méchant des fois, c'est un peu méchant, en mode genre... en fait, peut-être, mais non, en fait, ah non, c'était ça. C'est en fait, la mécanique d'Apollo, du coup, bon, c'est pas un gros spoil, c'est une mécanique de gameplay. C'est pas un gros spoil. Mais c'est en gros, il faut détecter quand les gens mentent, en fait. Donc, et il faut voir en fait leur tic quand ils mentent. Donc c'est un peu, pour ceux qui ont vu cette vieille série qui était pas très bonne, c'est un peu Lie to Me. Mais du coup, ouais, faut détecter un peu quand les gens mentent en voyant, bah, genre, oh là, il a cligné d'un œil, ah là, il a sué ou quoi que ce soit. Ouais, c'est les noirs. Du coup, oui, peut-être, effectivement, oui. Mais en fait, des fois, comme c'est des animations, en fait, et que les animations, bah, c'est un les animations se répètent un peu. Ouais, c'est des fois un peu dur de percevoir. En fait, des fois, tu vas avoir le bon dialogue avec le bon sprite, mais typiquement, tu vas penser que c'est sur la main alors que c'est sur l'œil. Et du coup, ça va te dire, c'est pas ça. Mmh. Du coup, tu vas être en mode, mais... Bye Nidox. Bisous Nidox. À plus Nidox. Mais du coup, ouais, je trouve vraiment que Ace Attorney 4 avait pris une direction qui était risquée, et du coup je comprends que les gens n'aient pas forcément adhéré parce que la direction était risquée, mais clairement on peut pas dire que c'est un mauvais jeu, parce que tu sens que le jeu il donne tout ce qu'il a pour essayer de faire au mieux, quoi. Et je trouve que vraiment c'était difficile de passer après Ace Attorney 3, hein. c'est toujours les mêmes problèmes, bah, c'est dur. C'est Ace Attorney 3, c'est une conclusion qui est magnifique à toute la licence. Et du coup, en fait, ça te fait poser des questions. Vous me donnez envie de reprendre la licence. Là, ah ouais, non mais... Et en fait, c'est le côté où tu te dis, mais genre, Ace Attorney 3 était tellement une bonne conclusion à Phoenix que pourquoi le faire revenir en tant qu'avocat dans le 5? Parce que son arc est fini, donc il n'a aucun intérêt à être encore avocat. Fallait passer le flambeau, et c'est dommage parce que t'as ce sentiment d'arc te manquer, alors que moi j'adore Apollo et tout, et du coup j'étais un peu triste que... j'étais un peu triste dans le 5 parce que du coup vérité est un peu en second plan, du coup, vu qu'il y a comment elle s'appelle, Athéna qui arrive. Mais ouais, non, moi vraiment, le 4, ça a été une super expérience. Et pour la petite anecdote, je te laisse parler juste après, JJ. T'inquiète. Fait ce jeu sur 3 pays différents, parce que je pense que pas beaucoup de gens peuvent. J'ai fait ce jeu sur la France, sur la Turquie et sur le Japon. Donc voilà, c'est un peu. Donc forcément, il aura toujours une place un petit peu dans mon cœur parce que c'est un jeu du coup qui a une histoire toute particulière pour moi. Je te laisse parler dessus. Bah en fait, je disais que je trouve que Apollo fait un meilleur avocat rookie, genre un débutant, que Phoenix dans le premier jeu. Ouais, clairement. Il fait je trouve qu'il fait vraiment meilleur rookie que Phoenix. Alors je saurais pas trop expliquer pourquoi, peut-être juste parce que je préfère le chara-design, peut-être juste parce qu'il est mieux écrit, peut-être juste parce que il savait plus écrire un rookie parce que maintenant Phoenix était passé derrière et qu'ils se sont rendu compte que Phoenix était bon, c'était cool mais c'était pas aussi bien. Je trouve que ouais, l'écriture d'Apollo et l'écriture des personnages d'Apollo est un peu mieux que en tout cas plus digeste et moins on fait des longues tirades pour dire un truc qui peut se dire en deux mots que ce que j'avais pu trouver dans le premier Ace Attorney. Le problème en fait du premier Ace Attorney, alors j'ai fait que le premier donc je vais surtout me baser sur ça, c'est que tu arrives très vite dans le sujet avec les affaires de Phoenix. Ouais. C'est-à-dire que Phoenix c'est un avocat débutant. Et l'une des premières affaires, c'est littéralement, je peux spoiler quand même la deuxième affaire du premier épisode. Bon, je pense que tu peux. Hein, c'est quand même le meurtre de sa mentor, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça. Donc du coup, niveau développement de personnage. Oh, après la première affaire d'Apollo Justice, elle est pas tendre non plus. Hein. Il va super vite. La première affaire d'Apollo, je peux t'assurer qu'elle est pas si tendre que ça non plus. Hein. Ah, je me doute. Hein, Mais ce que je veux dire, c'est que. Le développement du personnage de Phoenix en tant que rookie, il va très très vite, quoi, parce qu'il rentre très très vite dans le vif du sujet. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui cause justement. C'est le côté. Mais en fait, ce que je trouve très plaisant dans le 4 aussi, c'est que t'as pas ce sentiment, t'as pas le côté, ou alors en tout cas, elle me revient pas en tête, il n'y a pas d'affaire type samouraï d'acier. C'est-à-dire, il n'y a pas d'affaire où c'est. Tu mets une pause dans l'histoire et c'est une affaire qui a rien à voir. Ah, c'est toutes vrai les affaires sont plus ou moins liées. Je sais pas s'il y en a une qui est pas liée à l'histoire du tout. J'en ai pas en tête. Bah en vrai un peu l'affaire 2, mais l'affaire 2 c'est. L'affaire 2 c'est quoi ? C'est la culotte. Ah oui. Oui, c'est vraiment vrai. Une affaire oui, sur une culotte. Oui, oui il y a mais pas c'est de blague. Pour le, c'est pour te, oui. Si parce qu'en fait, elle participe à élaborer le personnage de Phoenix en fait. Oui, oui, oui. Parce oui, que c'est du pour coup, ça. C'est bon, c'est le début de l'affaire, donc ça spoil pas. Mais en gros, Phoenix se fait renverser par une voiture et c'est ça qui lance l'affaire. Mm-hmm. Donc, t'as ce côté, ça te permet d'introduire le procureur aussi. La deuxième affaire a quand même des liens avec l'intrigue et t'as pas ce sentiment où. T'as une affaire qui fait coup d'épée dans l'eau, qui est vraiment juste là pour. Il nous fallait un certain nombre d'affaires, etc. Même des affaires qui, à première vue, ne servent à rien. Il y a notamment l'affaire du coup de 3, je crois. Oui, c'est l'affaire. Avec la miroir. Je crois que c'est la. Ok, je vois. C'est la troisième ou la quatrième, je ne sais plus. Je sais plus, mais je vois. Mais où tu te dis, non, mais cette affaire, bah, c'est une affaire classique qui n'a rien à voir, etc. Et en fait. Bah pas du tout, c'est une affaire mais on ne comprend qu'à la fin, donc je ne spoilerai pas du coup le lien avec l'intrigue générale, mais elle a un lien avec l'intrigue générale, et je trouve que c'est très cool, et d'ailleurs ce côté où la première affaire, même la première affaire qui est censée être un tuto en fait, bah déjà vous voyez que du coup c'est Phoenix qui est accusé, donc déjà c'est important pour son truc, vous allez voir qu'il se passe un autre truc qui est important pour l'évolution d'Apollo, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, la première affaire elle te laisse un truc de... Bah en fait, la victime, on sait pas qui c'est. C'est-à-dire qu'on le décrit comme un voyageur, mais on sait pas qui c'est, on sait pas son lien. Et c'est un truc qu'on découvrira qu'après, et où la dernière affaire reviendra sur la première. Je trouve que vraiment, c'est super bien écrit. C'est vraiment, t'as un sentiment à la fin où tu te dis « Ah ouais, le jeu, clairement, il avait un truc à dire, il l'a dit, il a pas essayé de faire du remplissage pour rien. » Et moi, je trouve que vraiment, c'est un truc qu'on peut saluer. Et je trouve que c'est dommage qu'on... C'est un truc qu'on reviendra souvent, mais moi, j'ai l'impression que les licences, quand elles prennent des risques, on les salue pas assez pour leur prise de risque, ouais. On les salue que pour les rater, mais à un moment, faut comprendre que c'est l'exemple que je donnerai tout le temps, hein, mais faut, pour faire un Breath of the Wild, il y a un Skyward Sword. Il faut toujours des ratés quand on veut tenter un truc. Et c'est dommage de ne pas saluer les innovations dans les ratés. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi, effectivement. On ne souligne pas assez les prises de risque. On les souligne surtout quand elles sont ratées. Ouais, c'est un peu dommage. C'est malheureusement ce qui a donné ça. Trine 3, par exemple, qui s'est vautré en essayant de passer à la 3D. Puis les développeurs ont fait, ça n'a pas marché, on revient à la 2D. Et hop, ça, le jeu a eu... Le jeu a été beaucoup mieux. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui, effectivement. Et je trouve qu'on renvoie, souvent les licences à leur raté. Hein. C'est vraiment. Notamment quand je pense à Sonic où on revient toujours. Sonic 06. Mais il y a aussi ce côté où on revient constamment en disant cette phrase que maintenant tout le monde a dit de. Sonic Frontier, mais de toute façon, le passage de la 2D à la 3D de Sonic, il était compliqué. Et t'es en mode. Saturne. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas oublier un petit peu? Oui, il y a eu un passage qui était difficile. Mais bon, maintenant, il est passé, le passage difficile. Maintenant, les jeux, ils sont en 3D. voilà, c'est pas parce que Sonic Mania était un jeu que vous avez bien aimé que instantanément ça fait que... Je pense que Sonic Mania a été un gros risque, tu vois. Oui, bah c'est ça. Passer de la 3D à la 2D. C'est vraiment... c'est faire un jeu Mega Drive en 2017, il fallait avoir l'idée. Hein. Ouais. Sûrement des génies, hein, je pense. c'était... Non mais Sonic Frontiers, qui moi, j'ai rien pas fait Sonic Frontiers, malheureusement. Je pense qu'on va pouvoir conclure vite fait là-dessus parce que là on a bien dépassé. Oui. Seb du Grenier aime beaucoup. C'est Gilles Stella qui aime beaucoup Sonic Frontiers. Il en parle. Moi en fait Sonic Frontiers, tu vois, il y a l'église. En fait j'ai défini ça. Il y a l'église des fans de Sonic. Il y a l'arrivée de Sonic Frontiers comme le Messie dans l'église. La plupart des gens à l'arrivée du Messie sont partis parce qu'en fait c'était un Messie qui était un peu, tu vois, c'est un Messie, il avait une jambe de bois, il avait un bras en moins et tout. Et ben moi, je suis toujours là pour le prier. C'est plus un ménant qu'un Messie, quoi. Ouais, voilà. Mais moi en fait j'attends, surtout avec les annonces de Sega comme quoi ils comptent faire des DLC, des DLC gratuits et des encore ajouts, Monica, et des ajouts sur la suite du jeu pendant 2023, je me dis que ça peut vraiment devenir un jeu de fou et j'espère en fait juste qu'ils vont pas se louper et c'est tout quoi. On verra hein. Mais encore une fois c'est le truc, ils ont fait leur open world Sonic, ils ont fait un test, le test est à moitié concluant, mais je pense que faudrait peut-être plus se dire il y a du potentiel que se dire c'est un semi-ratage, tu vois, c'est le côté le verre d'eau à moitié vide à moitié plein quoi. Il faut qu'on fasse un épisode sur les open world. Ah mais il va falloir hein. Sur les open, moi malheureusement j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai beaucoup plus fait récemment. Paradoxalement. J'en ai pas fait non plus énormément, mais je pense qu'avec toutes les connaissances on peut réussir à... Mais oui, on peut en parler, mais vraiment Là, c'est vraiment, je pense que on est dans une période un peu, ça fait un peu cliché de dire ça, mais je pense qu'on est dans une période charnière du jeu vidéo, notamment des licences des années. Peut-être on reverra ce passage pas dans les livres d'histoire parce qu'il n'y a pas de jeux vidéo dans les livres d'histoire, mais en tout cas dans les bouquins qui parlent de jeux vidéo, je pense qu'on verra vraiment cette période là de la Switch etc comme vraiment une période où les licences se questionnent et essayent de changer. On a eu ça avec Zelda, on a ça avec Metroid qui a essayé un petit peu de faire un tournant etc, on a ça avec Sonic, on a ça avec Pokémon. Je pense que c'est vraiment la période où on essaye de changer, on essaye de tenter des trucs, ça marche pas, c'est pas grave, mais faut se renouveler parce que les gens ils vont pas acheter 30 ans le même jeu quoi. Donc, ouais, puis on sort quand même d'une période, et c'est pour ça que 2017 est une année formidable pour le jeu vidéo, parce qu'on sort d'une période à l'époque où le jeu vidéo se standardise de manière terrible, ouais. Avec ces fameux open world, ces jeux à la troisième personne ou ces FPS et tout. Et à partir de 2017, il y a un espèce de vent frais qui circule. Grâce aux jeux indés. Hein. Ouais, mais même tu vois Resident Evil par exemple, qui était devenu un espèce de TPS sans âme avec Resident Evil 6. Avec le 7, ils se sont dit, ok les gars, on va quand même revenir sur un truc un peu horrifique comme on savait le faire à l'époque. Final Fantasy 15. Tu aurais dit à un passionné de FF. Même le 14, c'est pas à cette époque-là qu'il s'est renouvelé Le 14, non, c'était peut-être un peu plus tôt. Oui, mais il est sorti en 2012, mais il s'est renouvelé en quelle année? Je sais pas du tout, bonne question, ça, par contre. La nouvelle version du jeu qui est limite un reboot, je crois que c'était peut-être 2015, je sais plus. Mais tu vois, FF15, par exemple, avec le fait que tu circules dans un open world en voiture et tout, et le fait que maintenant t'es un FF16. Qui va revenir quasiment à ce que la licence faisait à l'époque, tu vois. Il y a une vraie recherche justement d'identité. Ah la 2.0, c'est 2010. C'est 2010 même. Ils ont fait leur reboot rapidement. Okay. Ouais. Et je pense du coup que ça vient dans cette mouvance-là. Il y a pas mal de licences qui vont s'interroger, qui s'auto-interrogent. On le voit avec Ubisoft maintenant. Ubisoft, maintenant qu'ils sont dans la panade, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, on va voir. Peut-être relancer Rayman. Il y a Miko Romo qui serait très heureux. Ils ont dit le prochain Assassin's Creed serait moins... Et deuxième chose, ressemblerait au premier. Je suis pas sûr que ce soit une bonne direction, honnêtement. Hein. Mais c'est dommage parce que Assassin's Creed avait déjà... C'est fou parce qu'ils avaient déjà fait un espèce de semi-reboot avec Origins, Odyssey, etc. Origins. Qui prenait des parties beaucoup plus RPG. Ça avait l'air de plaire et apparemment, déjà, la formule s'essouffle. Apparemment, Valhalla, ouais, ça a pas mal, Excellente vidéo de Pseudoless qui parlait du renouveau de Assassin's Creed, mais qu'en fait, pas vraiment si renouveau que ça. Par contre, Assassin's Creed, et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, tout ce qu'avait fait Breath of the Wild en 2017, Assassin's Creed l'avait mis en place en 2007, mais comme à l'époque on n'avait pas une très bonne compréhension du monde ouvert, bah finalement ils se sont enfermés en fait dans cette espèce de dynamique-là. Donc voilà, c'est des choix qui se répercutent comme ça, mais ouais, faudra suivre effectivement. C'est très intéressant. Pareil, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé, alors que c'est un truc qui est incroyable, c'est le revirement de Konami sur Silent Hill, qui est pour moi incroyable, parce qu'ils avaient laissé tomber totalement ces licences-là, et d'un coup ils sont en mode « Ah mais oui, mais c'est vrai qu'on faisait des jeux vidéo en fait !» Et du coup ils se sont mis « Bon bah on va sortir, je crois qu'il y a 3 jeux Silent Hill en projet, il y a un remake du 2, il y a un nouveau jeu et je crois il y a une expérience interactive, j'ai pas compris exactement ce que c'était. C'est pas une expérience VR ? Ah d'accord, FF14 2013, oui, donc j'avais dit 2015, j'étais un peu trop loin, c'était 2013. C'est 2012-2013. Ouais. Ok, mais du coup, donc Silent Hill, l'appareil qui repart, donc est-ce que Konami va refaire des Metal Gear Solid, pas l'espèce de Metal Gear Survive là que tout le monde a détesté parce que c'est pas vraiment un Metal Gear. Ah, Konami qui refait déjà Suikoden. Ils vont relancer Metal Gear, est-ce que Suikoden ils en refont? Bah ils refont un remake du 1 et du 2. Hein. Bah du coup, vous voyez, alors qu'on se disait Konami c'est bon, ils sont morts dans le jeu vidéo, maintenant ils sont que sur Yu-Gi-Oh! Et sur les Pachinko. Et finalement, ils reviennent. Et les NFT, mec. et du coup, est-ce qu'il y aura des nouveaux Castlevania? Peut-être des nouveaux Lord of Shadow. Je ne sais pas si les Lord of Shadow sont finis. Les trois Lord of Shadow forment une trilogie qui se complète visiblement plutôt bien. Donc peut-être partir sur un autre projet, je ne sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment ce sentiment que c'est les années des prises de risque, en fait. Toutes les licences se disent. C'est soit on se renouvelle, soit on meurt, donc autant tenter des trucs et essayer de se renouveler. Et vu que les ventes de Pokémon, même s'il y avait des gros problèmes, bah, le jeu s'est quand même bien vendu. Sonic Frontier, je crois qu'il s'est plutôt bien vendu aussi. C'est vraiment bien vendu, Sonic Frontier. T'as ce côté où, certes, les jeux sont pas parfaits, mais même si on tente des trucs mais que ça marche pas à 100%, bah, les gens vont quand même suivre parce qu'ils sont intéressés du renouveau des licences, quoi. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment... Moi, c'est une direction que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, une licence, ça s'essouffle. Et très intéressé de BOTW2, parce que du coup, c'est la suite du jeu qui a un peu lancé cette ère de renouveau, même s'il y en avait un peu avant. Bah, en vrai, il y avait Witcher, enfin, il y avait The Witcher 3, sûr. Mais ouais, voilà. Mais du coup, voilà, moi, ça m'intéresse vraiment de voir l'évolution de cette prise de risque. Et du coup, je trouve que ça fait une bonne conclusion pour une vidéo bilan de 2022 parce que bah on ouvre sur 2023 finalement. 2023, est-ce que ça continuera ce renouveau-là? peut-être, du coup, faudra voir. Je sais pas, c'était quand même une année calme cette année, je trouve, par rapport... Ah, ça c'est le Covid qui a encore des répercussions, hein. Ouais. Vu qu'un jeu, un jeu maintenant, part, ça prend 2-3 ans à faire. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'on peut avoir les jeux de fin de Covid de l'année prochaine. Enfin, plutôt de mi-Covid l'année prochaine. C'est probable qu'on ait les jeux fin Covid, début, ça y est, le monde se rétablit à peu près, même si en vrai c'est encore un peu la merde, vers 2025. Fin 2024, début 2025, un truc comme ça. Avez-vous parlé de Sonic ? Oui, on en a parlé vite fait. On en a parlé vite fait. Sonic Frontiers, c'était un essai qui n'était pas à 100% concluant, mais c'était un essai qu'il faut saluer. Ouais. C'est comme tous les essais, effectivement. C'est le truc. Et Poupoupou qui dit j'en peux plus des jeux qui sont pas finis day one. Mais nous, c'est vrai, on est d'accord, Pokémon était dans un état intolérable, mais. C'est moi, Pokémon, je le vois vraiment comme une copie qui dit des trucs intéressants, tu vois, qui dit pas forcément des trucs 100% bien. Mais le problème, c'est que le mec, il y a des taches d'encre partout sur sa copie, c'est dégueulasse. Et tu dis, Timothée, ouais, voilà. Faut faire un effort là. Timothée, c'est mignon, ok, c'est bien fait, mais. Tu peux pas rendre stop, ça, hein. La prochaine fois, je te mets 0. Mais après, il y a une vraie question de se dire, est-ce qu'on doit être sévère justement vis-à-vis de ces jeux, tu vois. Ah, mais je pense qu'il faut. Ils sortent quand même dans un état lamentable. En fait, je pense qu'il faut être sévère, mais il faut être juste, en fait. C'est surtout... C'est un peu une phrase, ouais. Une phrase nulle hein, que je sors. Mais moi, je pense que faut effectivement dire « Non, mais là, l'état, il est intolérable. Faut vraiment que vous refassiez des trucs. » Et je pense que Game Freak, ils ont compris. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont voir qu'ils se font tacler par tout le monde, etc. Donc, je pense qu'ils vont essayer de s'améliorer. Mais, d'un autre côté, je pense qu'il faut pas dire... Ah mais le jeu il est nul, tu vois, parce que le jeu a des bonnes idées, il faut dire, bah garder le positif et enlever le négatif, pour reprendre le truc de la copie, tu vois, faut dire, bah Timothée la prochaine fois t'éviteras de mettre des taches d'encre sur ta copie, mais par contre ce que tu dis dedans, bah le sujet que tu traites il est pas mal, hein. C'est en vrai, si tu élaborais un peu mieux, etc., ça peut être très très bien. Faut pas faire comme le vrai système éducatif qui lui dit non mais ta copie elle est dégueulasse et tu dis rien d'intéressant dedans. Mais du coup voilà, si tu dis à Timothée non mais tout est nul dans ta copie, refais tout, bah finalement les idées intéressantes qu'il avait, bah tu vas peut-être les censurer et il va repartir faire un Sonic Mania, quoi. C'est un peu le souci, quoi. Timothée au bout de 5 copies qui va toujours faire des ratures et tout. Oui, mais peut-être que tu vois, au bout de la deuxième, il en fera déjà beaucoup moins, et peut-être qu'au bout de la cinquième, on touchera peut-être quelque chose de un peu sympa et cool. Tu vois. Ah, je sais pas. Moi, je reste assez dubitatif sur la question de est-ce qu'il faut vraiment être très sévère avec ces jeux qui sortent. Moi, je pense qu'il faut être sévère sur l'état. Parce que je pense que ça, c'est un truc... c'est Plouf qui disait un peu... c'est la compète du jeu qui sortira dans l'état le plus lamentable possible. Faut qu'on arrête de faire ça. Actuellement, je pense que les développeurs de Pokémon, ils ont envie de se tirer une balle parce qu'ils ont vu l'état du jeu. Je parle des développeurs, vraiment développeurs. Hein. Je parle pas du système marketing. Je parle pas de, comme disait JDG, les développeurs, ils ont pris de la drogue. Je parle vraiment des gens qui codent le jeu avec leur mimine. Genre, je pense que là, ils ont envie de se tirer une balle. Parce qu'ils ont vu l'état du jeu. Ils étaient en mode, non mais les refs, le jeu, il est pas fini. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait sur Golf Story. C'est totalement ça, hein. C'est-à-dire avec des développeurs qui justement parlent du développement de leur jeu et de l'état catastrophique dans lequel sort le jeu. C'est ça, et même si on regarde, c'est un jeu que vous avez fait, moi j'ai pas fait, mais c'est The Outbound Ghost, où je crois que pareil, on a forcé un peu le développeur à sortir le jeu catastrophique. Lui, il voulait finir son jeu, et du coup il voulait pas donner la fin en DLC, tu vois. Mais il y a des côtés, mais de toute façon, hein, on va pas refaire... On va pas refaire le débat sempiternel de l'art contre l'argent, quoi. C'est à un moment, faut concilier les deux. Faut comprendre que le jeu vidéo, il a besoin de thunasse. Mais je pense qu'on peut faire des bons jeux, même s'ils sont intéressés par le pognon. Je crois qu'on peut essayer de concilier les deux. C'est dur, mais on peut réussir. Non, je pense qu'on peut totalement y arriver. Sinon, il n'y aurait pas des grosses productions qui se vendraient. Oui, c'est qui ne seraient pas considérées comme des très bons jeux. Bah, sinon, on n'aurait pas Nier Automata. Sinon, on n'aurait pas. On n'aurait pas Breath of the Wild. On n'aurait pas Breath of the Wild. On n'aurait pas Red Dead Redemption 2. Voilà, on n'aurait pas ce genre de jeu. Oui. C'est. Donc, non, mais on verra un petit peu en 2023 les jeux qu'on fera. Ouais. On aura l'occasion d'en revenir là-dessus. Ouais. C'était une super émission, on a un peu dépassé. On a un peu beaucoup dépassé. Mais comme d'habitude. Voilà. Dépasse toujours. Voilà. Au lieu de 2h, on aura fait 2h30, c'est pas grave. Sachez que pour chaque 30 minutes qu'on a dépassé, ça rajoute un mois avant le prochain épisode. Hein, c'est terrible. Exactement. Donc là, vous allez attendre. Non, en vrai. J'en profite un petit peu vite fait juste pour la fin de l'émission, pour vous dire que vous pourrez retrouver l'épisode qui a été tourné, lui, cette fois-ci, en septembre MDR, et qui a pris 5 mois à sortir, alors qu'en fait il aurait pu prendre 48 heures. Mais vous pourrez retrouver du coup l'épisode sur les jeux de notre enfance d'ici une à deux semaines. Alors je donne pas de date parce que j'aimerais en fait qu'on se mette d'accord sur le thème du prochain live pour pouvoir mettre le. On a pas mal d'idées en tête. Globalement, peut-être dans les commentaires de la rediff, vous pouvez donner votre avis. Hein. On pensait aux open world, on pensait au collectathon. On pensait à quoi d'autre? Les let's play aussi. Qui est un thème qu'on abordera un tout petit peu, qu'on commencera à aborder dans l'épisode. Qui est un sujet très intéressant. Voilà. Et si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à proposer. On est ouvert à tout. Ce qu'on essaye surtout, c'est d'alterner entre des épisodes plus de réflexion sur des sujets plus globaux et des épisodes plus de récap des jeux qu'on a fait. Comme ça, c'est les gens qui aiment pas trop l'un, ils peuvent prendre l'autre, etc. Ça permet de. Et si vous n'aimez pas les deux, regardez. Si vous n'aimez pas les deux, vous regardez pas, tout simplement. Tristesse. Vous regardez Game Next Door. Voilà. Il fait un épisode sur les jeux indés. Oui. En vrai, on peut faire un épisode sur les jeux indés. Mais c'est large, les jeux indés. C'est très large. Plus qu'une émission, je pense. Ouais, mais faudrait faire plus qu'une émission. Ouais, les jeux indés de 2010 à 2015. On va re-rentrer, ça a commencé. Est-ce que Devolver, c'est vraiment un dé? Et puis. Et puis là c'est la merde. Et puis Shenmue 3, qu'est-ce que vous pensez de Shenmue 3, monsieur? Écoute, j'y ai pas joué. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ouais, effectivement. J'ai pas prévu de carton pour les réseaux sociaux, je le ferai pour la prochaine fois. Vous pouvez nous suivre sur, en tout cas pour la rediff, et peut-être pour les gens qui nous écoutent sur d'autres plateformes comme Spotify, SoundCloud. Ou peut-être simplement qu'ils sont sur la rediff Twitch parce qu'ils sont des malins et qu'ils mettent ça sur leur téléphone en éteint et qu'ils ont la flemme d'attendre que la vidéo YouTube sorte. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter @produitencroix, je crois, ouais, ou @produitencroixPDC, j'ai un doute. De toute façon, ce sera dans la description YouTube et dans les liens en dessous du SoundCloud. On espère que cet épisode vous aura plu. Pour les gens de Twitch, la rediff de cet épisode sera disponible normalement fin du mois, je pense. En tout cas, deux semaines après le prochain épisode sur les jeux de l'enfance. Mm-hmm. Voilà. On se donne pas de rythme pour les lives. Parce que de toute façon, on les tiendra pas. On les tiendra jamais. À dans un an. En tout cas, sachez que normalement les podcasts seront un peu plus annoncés à l'avance qu'aujourd'hui. Mais voilà. On espère que ce premier épisode du retour de Produit en Croix vous aura plu. Ouais. Et on se retrouve. Et à dans deux ans pour notre prochain retour. Exactement. Non. Allez. Ouais. Bye bye. Salut à tous. Bye. Bisous.